Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 159 de chez Papa Cassette. C'est bien ça, hein? 159! Yes! Il n'y a personne dans le chat? What the fuck? C'est l'été. C'est l'été, hein, c'est vrai. C'est le temps des petites cuisses là, dans les shorts. Les petites cuisses dans les shorts. Hey, là, là, je t'ai pris au dépourvu avec ben numéro... Non, ben c'est moi. Ah non, OK, je les ai. Voilà. Ah, on a SSS Frank qui part le bal. Salut. Alors, hein, y a-tu... Hey, je l'ai. Attends un peu. C'est de la très mauvaise télévision. C'est la seule qu'on est capable de faire. C'est la seule qu'on est capable de faire. Bon. L'épisode 159, donc, Chris, man, j'ai ma page du Canadien, on recommence. On recommence le show complet. On recommence tout. Donc, c'est l'épisode 159, comme dans 1, le numéro de Ernie Wakely de 1963. Ernie Wakely. Pour ceux qui veulent savoir, Ernie Wakely était un joueur de hockey. Un gardien. C'est pas mal tout le temps des gardiens, les numéros 1, n'est-ce pas? C'est un joueur de hockey. Né en 1940 au Manitoba, joué pour le Canadien, donc. Et numéro 59, ça, il doit pas en avoir beaucoup. Non, je m'en... il y en a aucun qui me vient en tête. Il y en a 4. Il y en a 4 dans l'histoire. Hey, man, il y en a... OK, moi, toutes les dire. Ouais, t'inquiète. Parce que la dernière fois qu'on va là. Marty Yarventi en 2002. Mikhail Grabowski, ça, ah, je m'en rappelle, oui. 2007. Brock Trotter 2010. Dites quoi lui en plus? Brock Trotter. Vague souvenir de. Puis Mathias Norlinder. Ah ben oui. Chris, je me rappelle pas. Il n'a fait que passer. Oui, hein? Ben ouais. 2 ans quand même. 2 ans, 20... de 22 à 24. Il n'a pas joué beaucoup de bord. Il a probablement plus joué à Laval. Hein. Non, vraiment. Là, il faut pas que j'oublie. Je pine ça dans mon téléphone. Oh, quelque part, partout, là, direct dans les veines. Là, pour y arriver rapidement. Dis à ChatGPT de s'en rappeler. Oui, hein, on va avoir un petit... On va parler de ChatGPT tantôt. Ouais, ben oui. Mais ben avance... C'est hein? Non, les gens dans le chat, tu t'en qu'à ça. Ben on oui, a un first-time chat, d'ailleurs. Soulard23. Bonsoir. Soulard23. Oui, je me dis à l'envers, ça veut peut-être faire quelque chose. Dralios, mais... Moi, je pensais à MC Solar, mais c'est pas ça du tout. Ça, c'est Soulard. MC Soulard. Hey, ça c'est... dit pas mon âge, je pense. En tout. Hey, il est bon, MC Solar. Hein, des pros combats qu'a l'album. Aussi paradisiaque après. C'est des bonnes cassettes, ça. Des bonnes cassettes 8 track. Ouais, non, ça fait rien à l'envers, c'est ça. On aurait essayé. Fait que, première chose, petite gorgée de bière. Toujours en partant. Ce soir, on boit une Ibrou. Oui. IHIPL. Oui, une Hazy India Pale Lager. Pas Pale Ale, Pale Lager. Donc, c'est comme une lager avec un petit torque. Et puis, j'aime bien. Même à 6,2%, oui, c'est bien. Oui, puis un petit fond là, houblonné que j'aime beaucoup. Donc, j'aime bien faire le plein de Unibrou au dépanneur au coin de la rue. Il y a de la Paps, de la Bleu Drail à 10%, de la Pisse. Et de la Unibrou. Puis quelques affaires de main. Au moins, là. Puis j'encourage Unibrou. D'ailleurs, il y a une nouvelle IPA qui est sortie. Là, j'ai vu passer ça dans mon thread et puis il va falloir que j'essaye ça. Une IPA pas forte. Donc, à suivre. C'est bien recommandé d'ailleurs par les Patreons ce soir. Oui, absolument. C'est les Patreons qui ont payé ça. 54$ de bière au dépanneur bon. Du coin. Bon, pour deux shows. Absolument. On a 12 bières, 12 canettes. Et puis, ça encourage aussi le marché local, voyez-vous, les commerçants à l'autre bord de la rue. Ils font la palette ici, dans Hochelag. Exact, avec la Babs puis des cigarettes. Avec un devant de magasin libre maintenant. Oui, si vous suivez la page Facebook de Retro MTL, vous avez vu que j'ai fait une publication qui a, ma foi, beaucoup de réactions. On est rendu à 500 réactions. Susciter les émotions et réactions. Sur ce post-là. 500, ouais. C'est beaucoup, là. C'est énorme, là, genre... Et puis, où est-ce que je monte la façade en hiver avec tous les travaux et ma bonne vieille photo classique de la façade propre qui n'est pas la vraie à jour, mais que, tu sais, c'est pas mal comme ça. Et puis, pour annoncer la fin des travaux, qui, au final, on n'aura pas perdu, tu sais, d'achalandage par rapport à ça. C'est bien ça. Comme je disais, et puis, tu sais, dans ma publication, je faisais juste dire, c'est le fun. Ben, on est content que les travaux soient finis. S'il y en a que ça ralentissait, ben, vous pouvez venir, tout ça. Mais moi, j'ai pas dit qu'on avait ça en avant du magasin pour pas faire peur au monde. Je voulais que le monde y vienne, puis arrive. C'est comme, oh my God, OK, je vais me trouver une place, je vais me stationner, tu sais. tu commences pas à faire peur au monde, déjà que le monde, ils disent... Oh, attention, il n'y a pas de parking! Ouais, c'est ça, il n'y a pas de parking, il n'y a rien que des pistes cyclables. Asti que j'aille Montréal, asti que j'aille Montréal, mais je vais aller à votre magasin. Fait que c'est ça. Alors, cela est terminé, mais j'ai fait une publication pour montrer que c'était terminé. Et puis, il y a eu un petit commentaire de quelqu'un qui dit... Là, vous devriez savoir que la SRB, ça, c'est le développement de la P9 ici à côté, tu sais, c'est important. C'est comme, oui. Ben je suis pas en train de dire ça. Je suis pour le développement urbain de la ville. Là. Mais je fais juste dire qu'il y a des commerçants pour c'est qui c'est quand même un inconvénient. Fatal, oui, c'est un très gros inconvénient. 6-8 mois de container devant toute la ville. Ben oui, ben c'est aussi direct devant la... C'est un gros module bureau, une roulotte bureau, là, direct devant la façade. Puis pendant ce temps-là, il y a... De quoi, mais en même temps, où tu veux qu'ils mettent ça? Tu sais, c'est... Ben, il aurait pu nous consulter, puis mettre ça dans l'autre sens, au bout de la rue ou quelque chose. Ah ouais, pour ça, ouais, pour au moins t'sais, garder l'aventure. Ils ont la, juste crissé ça, là. Ils ont reculé. Back up, OK, drop ça ici, on s'en va. Exactement, c'est tellement... Puis j'ai vu quelqu'un dans les commentaires aussi qui disait « Ouais, mais la ville, elle donne une compensation. » Fuck non, man. Je t'annonce que quand t'es en affaires dans la vie, t'as jamais de cadeau, puis tu subis... tout ce qui se passe. La grève de Post Canada, OK, il l'a pas eu, mais le monde a ralenti pareil d'acheter parce que là, ils ont peur. Le congé de TPS, le chiol à gérer autour de ça, les grèves. Toute la merde, quand t'es en affaire, toute la merde, tu la subis. Toute. Puis il n'y a personne qui te fait de ce petit cadeau. Fait que voilà, man. Moi, je te le dis. Toute la merde que sur le marché. Toi, tu l'achètes. Fait que c'est ça. Alors, laissez-moi vous dire que c'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça qu'on était bien contents que ça soit terminé. Puis il y a eu du grabuge, on a eu du vandalisme dans les fenêtres, là, tu sais, parce que ça cachait la devanture. Fait qu'il y a eu des bombes, sti, puis de la pisse. Des petits bombes avec des pipes de crack, sti. Non, on a tout trouvé ça, là. Fait que non, c'est pas si jojo les travaux. Il y en a qui disent, bon, tu voyais, pas besoin de chialer, commerçant. On chiale pas. Mais ça peut être quand même fatal ben pour oui, du monde qui peut-être sont en moins bonne posture. Ton poste n'a même pas chialé, t'as juste fêté le fait que c'est fini ce bout-là. Exactement. Mais aussi, on est un commerce de destination, tu sais. On n'est pas un autre café à côté d'un autre café, tu sais. Ouais, c'est unique. C'est quasiment un landmark. Ben, au level qu'on le fait, je pense qu'on l'est, oui. Puis on fait de la vente en ligne aussi. Alors, tu sais, ça ralentit jamais, là. Ouais. Alors, ça aide. Dans le chat, il y a un autre first time chat. Olilar 111. Ben donc, oui, à l'envers, ça Ralilo. Non plus, ça veut rien dire. Mais c'est un super rat qui dit qu'il était dans ton magasin puis que si Stallone était pas là, il aurait pu craquer pour un panic restaurant. Oh my God. Soyez tous célibataires. Maudite blonde, ouais, elle m'empêche de faire de l'argent. Moi et Mr. Rat, on se connaît puis on aime ça, les belles affaires. Puis c'est tout le temps les femmes qui nous empêchent. Ben oui. Quand tu veux aller à Atlantic City, il faut que tu envoies des affaires aux femmes. Ça va le bague au pierre à feu. Mais je me retiens de l'acheter moi-même, ce panic restaurant-là, Mr. Rat Super, m'a dit. Mais il y a comme une petite déchirure sur la boîte, ça me gosse un peu. Mais je me retiens. Ou sinon, j'ai envie d'acheter juste la boîte puis le livret. Si jamais je fais ça, il te restera le cart. Peut-être c'est juste le cart que tu voulais aussi. C'est moins dispendieux. Tu fais un achat de gros, un Groupon sur Panic Restaurant. Exact. Groupon. Ça existe ça encore, ça? C'est quoi ça, un achat à gang? Ouais, tu peux faire des achats combinés de plusieurs items dans le temps. Là, une couple d'années, il me semble. Là. 10 ans passés au moins de ça que j'en ai pas entendu Groupon. Là. Je sais pas... Autres, c'est de l'achat de masse, mais que genre plusieurs personnes achètent en même temps. Fait que ça coûte moins cher en lot. Ah, OK. Ben, ça doit se faire. Ça doit sûrement se faire. Je sais pas. Personne ne fait ça. Exact. Pas par la personne, moi. Bon, Mr. Rat, il dit que je peux prendre la boîte, il va prendre la carte. Ah, tu fais des deals à soir. Ouais. Faut quand même que je l'achète. Mais là, j'ai pas d'argent parce que la Switch 2 est sortie. Oui. Alors, c'était un préambule. On va parler de ça. Des beaux segways, oui. Un petit retour sur la Switch 2, le lancement. Je vais prendre une autre gorgée de bière. Je suis assoiffé. Ben oui, on est très assoiffé ce soir. On a besoin de boire. C'est l'été qui commence. C'est vendredi, je pense, d'ailleurs, l'été qui commence. Oui, paraît ça. On a même commencé à boire avant, aujourd'hui, de vous montrer à quel point on est des alcooliques. Donc, oui, le lancement de la Switch 2 avait lieu au lendemain du dernier épisode, en fait. Et puis, ça a très bien été. Ouais. Il y avait 25 personnes environ qui faisaient le line-up. Le gars en avant qui dormait, il a survécu. Il a survécu. Il était encore là le lendemain matin. Ceux qui n'ont pas écouté le dernier show quand on est venu. Puis mes employés m'ont dit qu'il était là à 5h30. Fait qu'il était de 5h30 le soir jusqu'à 10h le lendemain matin, assis dehors avec son chien. Puis quand on est sorti du podcast... Il était là, il buvait de la bière. Ah ouais. Hey, le matin, man, il était... Quand je suis arrivé pour rentrer, moi, je rentrais à 8h, il était décollé. C'est clair. pauvre gars, il avait de l'air complètement déshydraté, là, avec raison. Boy, get a raise. Ah, man. Mais il l'a eu, il l'a eu. Il en avait 15 et puis on les 17. Ouais. Puis donc, les 17 premiers ont pris des Switch et puis tout s'est vendu. Ce qui ne s'est pas vendu, c'est les jeux. Okay. On a vendu deux Mario Kart, on a vendu le Cyberpunk qu'on avait, on a vendu aucun Zelda, aucun Bravely Default, aucun Street Fighter, on a vendu aucun Amiibo de Street Fighter, on a vendu tous les Amiibo de Zelda, on a vendu tous les Pro Controllers, tous les Joy-Con, on n'a pas vendu aucune des trois caméras qu'on avait. Ça, je suis surpris. Je pensais que le monde allait acheter ça, tu sais, de base, ouais, ouais. Là. Mais non, ça vient avec une... T'as vu, ça vient avec une caméra, ouais. Là, pour faire du live, ouais. Chat, là, pis tout. On dirait que tout le monde s'en calisse. Tu filmes quand tu perds à Mario Kart, là, genre. Exactement. Quand Nintendo l'annonçait, ça, dans leur topo, pour montrer c'était quoi les nouvelles fonctions de la Switch 2, c'était tout propre, propre, mais... Ouais, ouais. Hey, dans la vraie vie, man, cette option, ça, c'est dégueulasse. C'est ça, c'est dégueulasse. Ben oui. Tout le monde s'en sac, donc, puis sur les trois caméras, il nous en reste encore une. Fait que ça, okay. C'est pas un bon seller. Les pochettes de transport, ça s'est vendu immédiatement. Ouais, ça, j'imagine. Et puis, il y en avait une grosse aussi pour la console au complet. C'est quand même fucking nice. Les écrans de protection, c'est vendu. Fait que... Puis là, on a eu du restock. Deux fois. On va avoir un troisième restock la semaine prochaine. Okay. Fait qu'au lancement, on avait 17. Plus une dizaine qu'on a gardé pour nous, nos employés, ouais, tout, ouais. Ça. Fait qu'on a eu comme genre 27 consoles pour le lancement. C'est quand même bon. On a eu un restock de 5. Après, on a eu un restock de 3. Puis là, on va avoir un autre restock de 5. Ah, okay. Mais notre fournisseur, au lendemain, quasiment, deux jours après le lunch, il nous a dit « Voulez-vous un restock de 15? » Puis là, attends, c'était... On aurait eu ça le vendredi de la semaine d'après. Puis là, on a vu les publications. Puis là, on a vu... Tout le monde faisait des publications, genre Denis Talbot aussi. Tout le monde, « Hey, il y en a 60 au Costco. Il y en a à Mont Eby Games. Il y en a là. Il y en a là. » Là, on s'est dit, « Oh shit, man. Il y en a partout, là. On va pas en racheter 15. » Tu sais, comme une semaine plus tard, le monde va les avoir eu. Ouais, ouais. Puis là, on va avoir 15 d'un coup à une période où est-ce que le monde s'en sac, tu sais. Fait qu'on a pris un petit restock à la place qu'on a eu plus tôt puis qu'on a vendu immédiatement. Fait que là, on y va petit restock par petit restock, là. Fait que c'est ça. Donc, on s'en sort de même. Et puis, tous les Pro Controllers qu'on peut mettre la main dessus, on les achète puis on les vend sur le champ. Les Joy-Con, tout ça, ça part très, très, très, très, très vite. Fait qu'il n'y a plus d'Amiibo de Zelda. Okay. Il n'y a plus rien de ça nulle part. Là. Fait que, bref, les consoles, on ne met pas sur notre site web, par contre, parce que ça irait trop vite. Là. Ils se vendent très bien en magasin. Ouais, tout le reste, on le met sur notre site web. Puis, that's it. Fait que ça s'est fini en une demi-heure. Tout le monde était reparti avec sa console. Bon, ben, c'était ça, le lunch. Mais... J'ai vu les photos, ça avait l'air bien. J'ai vu qu'Éric Hébert a fait sa présence. Oui, oui, oui, absolument. Fait que moi, j'en ai une. Et puis, je joue à Rogue Legacy 2. Ouais, ouais. Puis là, c'est drôle parce que je veux parler un petit peu de ça aussi. Il y a un petit commentaire. Deux, trois Français, man, qui viennent sur ma publication Papa Cassette qui disent que j'étais un cave de payer 500$ pour jouer à des jeux indie. OK. Et tout le monde... Mais il y a tellement une grogne sur Internet. Pourquoi? De chialeux. Que c'est cher pour ce que c'est, puis on s'en... Non, mais achetez la pourrie. Non, mais c'est ça, fermez vos gueules. C'est quand même la console de Nintendo, à ce qu'on m'a dit, historiquement, qui s'est vendue le plus d'unités au launch. Ouais. Comme, ben, Nintendo s'en calisse, vous l'achetez pareil à 700$, ouais, c'est de même, ça marche, puis c'est tout, là, tu sais. Et puis, là, c'est cher, mais la PlayStation 6, elle va être 1000$, là. Plus taxes, tu sais. Ouais. Si Nintendo sont rendus à faire des consoles à 700, les autres, ça va être bien plus cher encore. Fait que c'est là qu'on est rendu, puis le monde, il chiale, man, puis je trouve ça ridicule. Mais moi, je m'en... Ce monde-là, c'est triste. Ah, c'est... Pourquoi tu viens de commander là-dessus? Juste pour pisser sur ta parade, là. Exactement. J'ai dit, quand je suis content, j'ai une Switch 2. T'es un cave. OK, j'ai quand même une Switch 2 et je suis content. Il y a du monde... Il y a du monde chialeux. Dans... Moi, je trouve que c'est trop cher et je l'ai pas acheté puis je t'ai pas traité de cave. Ça a l'air incroyable, quand même, une belle Switch, là. Ben, moi, je trouve qu'elle run super bien. Et puis, l'interface, rapide, est le fun. Ouais. Les manettes, tout est plus gros. Tout est plus... C'est la suite, là. T'as vraiment de quoi de plus gros en main, là. C'est vraiment agréable. Mais c'est-tu une Switch 2 ou c'est une Switch Pro? Ah, ben, qu'est-ce que ça serait pour toi une Switch 2? Ouais, je sais pas, rendu là. Encore tellement dans ma tête que Nintendo font jamais deux fois la même affaire en ligne que là, c'est ce qu'ils ont fait. plus, tu sais, c'est... Ben, je sais pas si la OLED était plus puissante que la Switch de base. Ouais, là, plus belle, elle avait peut-être plus de... Elle pouvait toffer plus longtemps. Là, c'est ce que le monde reproche à cette Switch 2-là, c'est qu'elle meurt après 3 heures, tu sais. Ben, 3 heures de gaming de dans NL, tes mains, ouais. C'est... à moins que tu prennes l'avion pendant 6 heures, tu sais. Si tu fais ça, tu te pognes un fil USB-C, tu plugues dans l'avion là, ou tu amènes une batterie externe. Genre. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai fait quand j'avais amené la pocket, là. Exact. Ben, puis on s'entend, la prochaine itération de la Switch 2, of course, qu'elle va toffer bien plus longtemps puis qu'elle va être bien meilleure. Les premières, c'est jamais meilleur. C'est tout le temps les pires. La fois qui me faisait peur, hein, je regardais, c'est qu'il y a encore ça a des cas possibles de Joy-Con Drift, like ça. Parce que c'est la même technologie, ce que j'ai vu. Fait que... Ben, j'espère que oui, mais j'espère qu'ils l'ont amélioré. Je peux pas craindre, là. On va voir ça. Mais en tout cas, man, moi, le feeling est parfait. Là. Le clip des manettes sur le côté, c'est vraiment bien. Le stand, tu sais, la Switch, elle tient bien. C'est que robuste, j'ai vu dans nos groupes de chat, mettons, qui l'ont, qui jouent à Mario Kart, ces affaires-là, sont tous très contents. Là, ouais, puis Mario Kart est génial. Là, tu te promènes là, partout, puis tout Open ça. Open World, c'est vraiment un beau jeu. Mais en même temps, il n'y a rien d'autre. T'sais. C'est ça qui est plate comme launch. Il n'y a rien de Nintendo. Donkey Kong Bonanza, ça sort en juillet, je pense. Mais ils vont t'annoncer de quoi qui va sortir dans le temps des fêtes, là, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Puis il me semble que c'est ça qu'ils ont fait pour la Switch 1. Il avait sorti genre en mars-avril aussi. Puis là, quand c'était rendu Noël, là, ils ont annoncé Mario, quelque chose de genre. Là. Mario Odyssey. Peut-être, là. J'ai peut-être un petit mélange, mais il me semble qu'ils ont sorti avant Noël pour que le monde qui a voulait pouvait l'avoir avant, puis après ça. Ah oui, c'est vrai, il y a un nouveau Pokémon en octobre, c'est vrai. Encore un nouveau First Time Chat. PLCQC. Il y a moi qui attends une invitation comme un con, il n'y en a plus chez nous. Je comprends pas, une invitation... Pour la Switch, probablement. Pour l'acheter ou pour... les gens en région éloignée sont encore laissés dans l'oubli. OK, c'est ça qu'il dit, il n'y en a plus dans le ton. Quelle région, monsieur PLC? Soulard qui dit qu'il trouve que les versions sans Mario Kart sont difficiles à trouver. C'est bien vrai, c'est que des versions avec Mario Kart, nous autres, qu'on a eu. Pas vrai, on a eu 5 sans Mario Kart au launch. Et puis, pour le reste, c'est que des Mario Kart qu'on a en restock sans arrêt. Puis, Bécomo. Bécomo, ouais, c'est loin. Là. Ben, c'est une grosse ville, Bécomo, quand même. Là. Y a-t-il un EB Games à Bécomo, une shop indépendante, quelque chose? Tu aurais dit, ouais. Ouais, hein? Ben, il va nous le dire. Ouais, ça, il saura nous le dire. Et puis, ouais, mais c'est ça. Puis pour ce qui est de la Switch normale, en fait, c'est juste un autocollant qui a sa boîte. Okay. Fait que c'est pas... t'enlèves l'autocollant, puis là, t'as une Switch normale. Mais ça, c'est moins cher. Si tu veux Mario Kart, c'est moins cher prendre le bundle, tu sais, qu'acheter le jeu séparé. Mais j'aime bien, moi, les jeux physiques. Fait que moi, j'aurais été du genre à prendre la normale puis un jeu physique en Mario Kart. Mais je sais que c'est juste mon gars qui va jouer. Ça me tente pas qu'il change la cassette à chaque fois qu'il veut jouer à Mario Kart puis qu'il scrappe mes affaires. Fait que Mario Kart numérique, ça va être good. Puis aussi la carte SD Express, machin, là. Okay. C'est une carte SD là, spéciale qui paraît, qui transfère l'info bien rapide. Puis tout ça, Nintendo, il en a fait une avec un petit Mario dessus. Okay. Ça, on en a vendu 0. Au lancement. Puis c'est très étrange parce que je pensais que tout le monde allait vouloir absolument cette carte de... Les cartes SD, maintenant, sont rendues très rapides par défaut. Ouais, mais c'est comme une technologie de plus. OK. Express machine, je sais pas quoi. Puis les third party étaient comme pas officielles, existantes encore, je sais pas quoi, mais là, ça va exister. Oh, ouais. Mais en tout cas, Nintendo en a sorti une très vite pour aller avec, puis un Mario dessus. Fait que je m'en suis pogné une. Fait que c'est du storage d'extra et puis c'est plus rapide. Bon. Fait que voilà. 20 000 habitants à Bécomo quand même. Ça doit ressembler à Saint-Georges-de-Beauce, ça, j'imagine. Saint-Haur. Oui, à Saint-Haur. Fait que voilà. Et puis, ben c'est tout, man. Sinon, il y a des gens qui se retiennent de l'acheter avec raison. Je comprends. Fait que pas beaucoup de jeux, c'est un peu plat. Très bonne machine. Il y a des chialeux. Ça vend quand même très bien. Si tu n'avais pas de même. Switch 1 avant, puis tu veux être dans l'univers de Mario Switch 2. Là, ah, ben oui, ben oui. Puis tu sais, des jeux de Switch normaux, ils en sortent encore tout le temps. Là. Les jeux indépendants, ils sont pas. Mais c'est drôle, tu as raison à toi de l'acheter pour les jeux indépendants. C'est la raison pour laquelle moi, je l'achète pas, parce que j'ai accès à ces jeux-là sur l'ordi. Sur Steam, ben oui. Fait que moi, si je veux jouer à la Switch puis à Nintendo, c'est pour jouer les IP de Nintendo. Présentement, ils sont pas tant disponibles. Fait que je vais attendre, puis quand il y aura un gros nouveau IP, là. Je vais le jouer, puis ce sera le seul jeu que je jouerai sur la Switch 2. Ben ça, c'est la logique. Là. Oh, il y a ouais. juste moins le cave qui achète des jeux indépendants à 80$ alors qu'ils sont 5$ sur Steam ou gratuits. T'aurais pu, Parce que je joue à Rogue Legacy 2 présentement. Mais tu sais, moi, j'ai acheté. C'est un Steam Deck que t'aurais dû avoir. Là. Ouais, mais. Rendu là. Fuck ça. C'est pareil. Là. Non, non, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pareil. C'est trop compliqué. Je veux rien savoir de ça. Alors, ça prend des mises à jour, là, puis des PC. C'est vrai que la Switch, elle se met jamais à jour. Elle se met à jour tout seul. C'est un piton. À part plus, puis je me mets à jour. Exactement. Là, le Steam Deck, faudrait sûrement que j'aille sur mon ordi, puis là que je plug ici, puis là que sûrement. Je bosse, puis là mon vieux Mac serait pas capable parce qu'il est trop vieux. T'as pas un vieux. Puis là, je voudrais. Oui, j'ai un vieux Mac à la maison, là. Il est fatigué. Ouais, ouais. Fait que je voudrais me gonner. Premier jeu Switch sur deux, c'était Trigger Witch. Ah, oui, c'est vrai. Ah, Mr. Rat, j'ai vu sur la page. Sur finir des cassettes, alors que je pense que tu as annoncé que tu avais terminé Trigger Witch, n'est-ce pas? Je vais aller voir. Ainsi, on va trouver ton identité. C'est juste à ça que ça sert, ce groupe, c'est faire des références croisées de vos noms sur Twitch. Exact, exact. Prends oui, exact. Identité après ça. C'est. Ah ben, c'est Antonin Fréchette, Asti. Ok, j'avais pas catché, là. C'est les Freshettes Bros. Ils sont partout, eux, là. Ils sont partout, les Bros. Ils sont partout, les Freshettes Bros. Bon, ben, parfait. Fait que, OK. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de la Switch 2. C'est ça qui est ça. Good. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans le chat. Ben oui. Puis toi, Jeff, t'as. Le dernier épisode, on avait parlé que j'avais commencé à hacker la Switch 2 suite à une fin de semaine de Weekend Gaming est remplie de violence et de gin tonic. Hacker la Switch 2? Pas la Switch 2, c'est là, mon arcade de Golden Tee. Oui. J'avais la Switch 2 dans la tête, là. Puis je sais pas où j'étais rendu quand on en a parlé la dernière fois. Probablement, j'étais pris avec mes contrôles de trackball qui marchaient pas, là. Ouais. Finalement, je pluguais juste pas le bon fil à la bonne place, là. Fait que j'ai terminé mon hack de cette belle Golden Tee. C'est incroyable. Fait que là, dans cette mini arcade, dans cette arcade one-up de Golden Tee, tu as j'ai tous gardé, les jeux de trackball qui. Ben, je peux mettre tous les jeux de trackball qui existent, autant nord-américains que Japon, que n'importe quoi qui s'est fait, qui joue qu'une trackball, jusqu'à un certain niveau. Mettons, je ne prendrais pas prendre des jeux récents, mettons, qui seraient faits, mais il n'y a pas de jeux récents de trackball, anyway. C'est tous des jeux d'arcade. Ouais. Qui datent quand même. Il y en a qui, mettons, début 2000, dans ce coin-là, c'est correct, là, mais tout ça se joue sur un petit PC, ça de gros. C'est juste une petite affaire, là. Ouais. Fait que j'ai gardé l'écran original, j'ai gardé la trackball originale puis les boutons originaux qui fonctionnent maintenant tout dans Windows. Là. Ouais, vas-y. Juste faire une petite parenthèse, Golden Tee. Notre ami Michael Larouche a annoncé que le deuxième projet de Digital Eclipse là, sur lequel il travaillait, c'est une compilation de Golden Tee. Pour vrai? Toutes les Golden Tee existants. Fait que Digital Eclipse, comme on dit à chaque épisode maintenant, appartient à Atari. Alors, notre ami Michael travaille pour Atari. Wow. Mais Digital Eclipse, c'est ceux-là qui font les super belles compilations, justement, et Atari, Kawabunga. Ça, c'était Incredible Karateka. Technologies. Oui. On s'appelle que Nick en avait parlé à Retro Nouveau longuement d'eux autres, là, quand il a parlé de Street Fighter. Movie, de game, je pense. Exact. Fait que là, Golden Tee. Fait que oui. Yu-Gi-Oh! Aussi, dernièrement. J'ai une arcade de Golden Tee classique chez nous, là. Donc, qui a juste une trackball et 3 boutons. Fait que maintenant, genre, j'ai plein de jeux de trackball. Fait que ça me permet de découvrir des hidden gems. Découvrir une affaire du Japon l'autre fois, là. Oui. On le montre-tu ou j'en fais la critique une autre fois, là? Ouais, tu veux en faire la critique? Je sais pas, je devrais pas faire un segment pour parler de jeux de trackball à un moment donné, là, peut-être. Là. Ah, c'est vrai, garde-toi, là. On va le garder. Trouver des belles petites perles, là, mais non, j'ai retombé direct dans Marble Madness, puis ça joue donc bien avec une trackball qui a de l'allure. Qui est pas pété avec des gauchos qui vargent dans la machine à 3 cm. Mais ça, c'est une machine faite pour jouer avec des jeux de trackball. L'autre, à Ellie, c'est une machine pour juste jouer à Simpsons Bowling. Ouais, c'est ça. Elle était pas vraiment faite pour se faire varloper de même, là. C'est vrai. Mais j'ai pris le temps de faire tout ça là, comme il faut. Là, genre, j'ai acheté un petit mini ampli, j'ai plugué les speakers de la machine intégrée dans mon ordi. Fait que là, c'est le son sort vraiment des speakers et pas d'un speaker dedans le caisson. Là. Oui. Il y a juste le volume que j'ai pas réussi à faire, mais j'ai réussi à faire que mon on-off mute le son. Fait que ça, c'est pas pire. C'est... OK. Je suis comme, volume, pas de volume, ça va. Là. God. La marquise aussi, il faut que je gosse un peu, il faut que je coupe le fil, que genre je raboute des fils. Là, j'étais comme. Mais pourquoi la marquise, elle l'allumait pas? La marquise, c'est parce que t'as un écran dans la one-off, puis derrière l'écran, t'as un module qui se connecte. La marquise, l'écran, puis le board de jeu, en arrière, les contrôles, en fait. Mais là, moi, je l'ai enlevé, ce module-là, parce que j'ai un ordi. Mais là, il n'y avait plus de power. Il fallait que je comprenne quoi faire, que j'allais à la cave dans un magasin d'électronique. Pas capable d'expliquer ce que je veux. Je me fais pas comprendre. Puis je parle avec le gérant. Là, j'étais comme... Je me sens tellement épais. Puis en plus, j'avais le morceau que j'avais besoin d'un main Puis comme quand je peux les connecter, il dit faut que tu coupes ton fil. Je vois, mais si je veux pas couper ton fil, il dit ouais, ça se fait pas des connecteurs petits de même maintenant. Coupe ton fil. Je suis comme ok. Fait que j'ai coupé le fil. Ça a marché. Je vais dégainer le fil. J'ai vissé ça. As-tu un dégaineur de fil? Oui, j'avais trouvé que j'avais ça. Je savais même pas que j'avais ça chez nous. C'est comme une pince clac. Pince avec plein de petits trous de dégaineur différents, dégainer les fils puis ça. Fait, j'ai tout fait ça. Plugger les patentes. Tout marche là. Ah, c'est beau. La marquise allume. La seule fois qui me manque, ce serait de peut-être mettre une power bar en arrière quelque chose que je peux juste aller peser. Là, être en arrière, il faut que j'aille mettre ma main. Là. Ah, un bouton on-off? Un on-off en haut, là, je pourrais. Ah là. Oui, un petit clac! Mais tu sais, comme des vieilles arcades en métal. C'est ça que je dirais, mais vraiment sur le top, clac. Ben oui, tu drilles un trou. C'est juste ça qui me manquerait, là, que je pourrais faire pour la finaliser complète. Puis là, je pourrais fermer le back panel. Là. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais j'ai regardé ça, puis j'étais comme, oui, c'est du travail bien fait. Oui. L'écran est plus beau avec l'ordi. Le son avec l'ampli sort tellement plus fort que c'est la Golden Tee. Ouais, c'est sacrément comme le jeu que je ne parlerai pas là, du Japon. Là, la musique, c'était fou, là. Mm. Fait que ouais, j'ai une belle machine à trackball, plein de jeux là-dessus, là. Ça marche numéro un. T'as joué à Crystal Castles? Ouais! C'est donc bien hot, hein? Ce jeu-là. C'est vraiment hot, ah ouais. Le fait que tu peux se rouler très vite pour sauter par les ennemis, on dirait que tu triches le jeu quasiment, là. Exact. Je sais pas si... Je me demande même si mes settings c'était pas trop rapide à un moment donné, là. Ben moi je l'ai pas fait sauter par-dessus les ennemis, je savais pas, mais faut dire fallait que je paye mes games là, puis j'étais un peu chaud d'ail. Fait que j'ai peut-être pas quelque chose. Tu peux pour sauter par-dessus là. OK, OK, en même temps que tu roules. Ouais, ouais, fait que, là, fait si que tu peux faire un méga jump. Puis quand tu jumps, il devient tout petit puis il explose genre, fait que c'est OK, OK, OK. Je me sens quand même loin là, t'as plusieurs châteaux, tu peux rentrer dans un château à plus d'avance, puis ouais. Plein de beaux jeux que je connaissais pas. Tout réussi à bien mapper mes contrôles de trackball. Vive les trackball, man. Puis à un moment, j'étais comme je peux pas juste tirer à la plug quand je ferme ça, c'est un ordi qu'il y a dedans, je peux pas. Fait que là, genre, je parle avec ChatGPT, je suis comme, hey, comment je ferais pour, genre, mapper trois boutons pour fermer l'ordi, puis il m'a tout fait un script en auto-hotkey, ouais. Le shell que je connaissais pas, je l'ai parti, ça marchait pas, je débuguais avec ChatGPT un peu, puis ça a marché, puis je suis comme, ça m'a pris 10 minutes de faire ça. Exact. Fait que là, maintenant, je fais genre les deux boutons plus le bouton start en même temps, puis l'ordi shutdown, puis là, je peux après ça le fermer au complet, la marquise, puis tout ça, là. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais c'est fou, genre. ChatGPT, man, moi je l'utilise quotidiennement au travail aussi. Maintenant, là, tu sais. Puis on a besoin aussi pour catégoriser présentement nos fiches. Toutes nos fiches produits, il faut rajouter un Metafield. Pour notre prochain site web, on veut rajouter la catégorie de jeu. Et aussi si c'est multijoueur. Et si c'est le cas, quel type de multijoueur que c'est? En alternance, en co-op ou en compétition? Mais ces informations-là, tu sais, on va pas, nous autres, un humain. 20 000 jeux un à un, faire des recherches, tu sais, comme ça prend l'intelligence. L'intelligence artificielle va rouler ça, tu sais. Fait que là, moi, à tous les jours, tu sais, je donne des données, tu sais, hey, ça, c'est un beat'em up. Il me dit, c'est un beat'em up. Non, c'est pas un beat'em up pour moi, ça. Change ça. Et puis, tu sais, ajuste ci, ajuste ça. Puis, on a comme un historique, tu sais. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu sais. Et puis, là, on s'est rendu bien affûté, cette affaire-là. Fait que là, j'ai tellement pas le réflexe des fois. Fallait que je partage. Là, je commençais à faire affaire avec une agence d'intelligence artificielle qui est supposée nous scripter, programmer ça pour que ça soit simple pour nos employés. Puis là, j'étais en train de leur taper. Bon, j'ai dit à mon IA de faire ci, de faire ça. Là, j'étais en train d'écrire mon gros email. Je suis bien cave, moi. Je retourne dans le chat du PT. Je dis, fais-moi un résumé de toutes les règles que je t'ai données depuis qu'on travaille ensemble. Ouais. Il fait un beau PDF. Je vais régler, j'envoie ça à l'agent, je le donne à mes employés. Mes employés utilisent ces règles-là pour eux faire leur rejet. Ça prend des secondes de faire ça. Moi, c'est le voice to text qui me fait capoter aussi maintenant là, parce qu'il y a une mise à jour la semaine passée puis il te répond comme un humain quasiment à cette heure. Genre, il fait des intonations, il prend des respects, il fait des entre ses affaires. Puis j'étais comme. Première fois que il fait des puis il prend des respires. Il dit si tu voulais plugger ça, tu pourrais faire. Je suis comme fuck, pourquoi? Pourquoi? Ça me fait capoter. C'est de plus en plus le vrai monde, c'est bad trippant. King Nadera qui dit t'as pas un bouton V sur ton clavier. Oh, mais j'ai pas de clavier, je suis sur un arcade. J'ai un clavier quand je setup mon arcade, mais l'idéal c'est de pas avoir de clavier souris là. Il dit une demi-lune. Ouais, mais j'ai pas ça là. C'est quoi une demi-lune? À part le gâteau là. J'ai une demi-lune, un signe de demi-lune genre sur le clavier là ici là, un petit logo. Ok, là. C'est petit, ok. Mais genre. Pas genre tu manges une demi-lune puis tu tombes endormi. Tu sais, j'ai un splitter USB qui sort en arrière. Si j'ai besoin de déboguer, je peux plugger un clavier souris dedans facilement. Mais je veux pas avoir de clavier souris, genre, sur mon ordinateur. Ben non, c'est pas beau, man. Ça, fait que je voulais avoir une façon de fermer facilement, tu sais. Ouais, c'est pour ça que je l'ai faite. Ouais, ouais. Ben, les combinaisons de boutons, c'est pas mal. Tu fais jamais ça, trois boutons. Ah, puis deux boutons me ramènent au menu. Je suis comme, tout est beau. Là. C'est sur PC, King, mais le PC, il est dans l'arcade. C'est ça. C'est un PC qui run une arcade de Arcade One Up. Exactement. C'est pas un board, là. C'est un PC dans la machine. C'est comme un MAME. Ben, un MAME, c'est un PC qu'il y a dedans. C'est MAME. C'est l'émulateur, c'est MAME. C'est l'émulateur MAME. J'ai Lunchbox par-dessus qui est genre une affaire qui permet de classer tes catégories puis ta collection de jeux. Ouais. Puis j'ai payé la version pro, fait que j'ai Big Box. Fait que là, quand mon ordi part, ça vient full screen comme si c'était juste un écran d'ordi de sélection de jeu là, direct. Là. Exact. Parce qu'il part puis il est parfait. Notre même était de même chez Arcade MTL aussi. Hein. Fait que là, j'ai tellement aimé ça que je me suis recommandé un autre ordi puis je suis en train de hacker la Bandai Namco Legacy. C'est avec le joystick puis les boutons pour comme la Pac-Man que j'ai chez nous. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, je vais finalement avoir mon but ultime de pouvoir jouer à Dodonpachi tout seul chez nous sur une arcade Ça va, ben ça, faudrait quasiment une arcade à écran vertical, par contre. Elle est semi-verticale, genre, elle est faite dans le haut. Là. C'est un 4-3, mais vers le haut. Là. OK. Fait que c'est un 3-4. C'est un 3-4 que je vois. OK, vers le haut, ouais. Chris. Là, ça, c'est parfait. Ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme, bon, ben là, tous les jeux de joystick à un player, trois boutons max vont aller là-dessus. Ouais. Puis là, j'ai une centipède, mais je lag pas. Là. Il y a un petit trackball, il y a un spinner dessus. Genre, ça, c'est beau. Là, genre, je l'aime comme ça, elle, là. Ouais, c'est ça. Centipède. Golden Tee, c'est comme un. C'est moins c'est noble, fun, là, un petit peu. On sent moins mal de. Au début, genre, je pars le vrai Golden Tee de la machine que j'ai hacké, mais version MAME. Puis là, ça roulait pas. Genre, je frappais, genre, 25 verges à full spin. Comme, genre, tabarnak. J'ai pété le jeu de la machine. Genre, je pourrais même pas jouer. Finalement, c'est les contrôles, les settings. À force, pendant que j'ai GPT, je suis comme, telle option fait quoi? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis la star, flawless. Ça, t'es beau. Je suis tout arrangé. Puis. Mais moi, tu sais, on travaille aussi sur un projet de bière présentement. Vous avez vu la publication de Retro MTL. Puis j'utilise l'intelligence artificielle parfois pour faire des maquettes ou pour m'aider à trouver des idées. T'sais. Là, je dis, regarde ce style, regarde cette illustration. Je voulais, j'avais besoin de faire des têtes de pigeons. Je voulais des têtes de pigeons qui nous regardent de haut, comme tout en rond, comme l'album de NWA. Tous les gars sont en rond, puis ils checkent vers le bas, mais têtes de pigeons, tu sais. Fait que là, je donne l'album de NWA, je donne un style de pigeon, je dis, comme, fais-moi donc le dessin, là, à peu près, tu sais, voir ce que ça donne. Là, il me le fait, je suis comme, ouais, Chris. Fait que là, après ça, ben, un coup que j'ai la mise en forme de fait, là, on peut penser à le faire dans notre style, tu sais. Mais Chris, c'est pratique, là. Ouais, juste pour mettre sur papier, genre une vision que t'as. Genre, exact. Je veux dire, ces maquettes-là, moi, je peux y gosser dans Photoshop, là, puis arriver, mais comme c'est long, là, tu sais, lui, il me le fait rapide, là, tu sais, puis des fois, c'est complètement dégueulasse, là. Oui. On oui. s'entend. C'est oui. Donc, des fois, il est dans le champ complètement, mais des fois, il est sur la coche en hostie, là. Je suis comme, tabarnak, man. C'est exactement là, les proportions, puis tout ça que j'avais besoin. Fait que c'est très, très utile pour ça. Pas pour un produit final, là. Non, mais pour du brainstorming, pour avancer. C'est de la maquette. C'est des maquettes faites à haute vitesse avec ce que moi, j'aurais fait. C'est simple de même. Fait que je sauve des tonnes de temps, là. C'est un peu mon point. Mettons, là, moi, j'ai une idée d'un jeu que je veux coder, mais je veux prototyper quelque chose vite, puis je peux lui demander de faire des assets, quelque chose sans que ça soit le produit final. Ça peut même le devenir à un moment donné, mais c'est pas ça le point, anyway, là. Exact. Non, c'est ça. Fait que vive l'intelligence artificielle. Adaptez-vous dès maintenant, mes amis. Mais oui. Si vous êtes, dans 10 ans, vous allez être outdated. Vous n'allez pas embarquer dans le wagon. Embarquez dans le bandwagon immédiatement. C'est même pas un bandwagon. C'est là la vie. Ça s'en va là. C'est la vie à cette heure. C'est comme vous aimez ça, vous n'aimez pas ça, c'est là que ça s'en va. Là. Exact. C'est comme tout dire, je veux pas aller sur Internet à l'époque qu'Internet commençait. C'est comme, man... Tout s'en va sur un modèle agentic, là, qu'ils appellent. C'est des agents AI maintenant. Fait que c'est des mini-modules qui font... des actions précises, puis ils peuvent s'appeler entre eux autres, les modules, puis c'est même que ça marche en arrière, là. Ouais. Fait que c'est ça qu'on s'en va. Ça va vers un monde où est-ce qu'on va demander des choses à notre AI, puis il va juste donner des services, là. Exact. C'est Jim Mouzio qui est dans le chat. Jim Mouzio qui se joint. Je vois qu'il... On l'a sûrement summon à cause de quelqu'un qui a nommé Bécomo tantôt. C'était-tu Bécomo qui vient? Il saura nous le dire. Il saura nous dire d'où il vient, Fred. Non, je me rappelle. Je me mélange tout le temps entre Bécomo et une autre ville là, loin là, du même genre. Parce qu'il y a des mouches noires. Ouais, c'est ça, bien des mouches noires, en tout cas. Défendre ma place. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, ben écoute, c'est tout pour ce très long intro de 35 minutes. Alors. On n'a pas un gros. On n'a pas un gros spectacle. Quand même, là, mais. Ah oui, on s'en va. Fait que là, on s'en va en collection alors. On clenche les affaires. Ça fit avec la toune. Wow! Ça fit avec bon. La toune. Je suis comme... Hein? C'est malade, ça. J'ai arrangé ça pour qu'on puisse... J'aime beaucoup ça que tu montes le son pour faire un... Mais je trouvais que je le montais pas assez. Je suis comme, pourquoi je monte pas? Puis finalement, dans le logiciel, il était baissé à moitié. Là, j'ai remonté. Je suis comme, ah, on peut se faire des petits segments. Là. Ah ouais, c'est parfait. Bravo, bravo. Comme c'est un vrai show produit. Ça s'améliore tout le temps, tout ça. C'est produit. Alors, le premier jeu du segment collection, il s'agit de Gal Guardians, Servants of the Dark. Donc, les serveuses du noir. C'est un jeu neuf de Nintendo Switch que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 50$. Il y en a encore disponible chez Retro MTL. C'est le deuxième de la série, mesdames et messieurs. Et puis Gal Guardian, ça c'est comme Castlevania Symphony of the Night, mais que tu peux switcher entre deux personnages sur le fly en tout temps, du moins le premier. Et puis l'une des deux personnages avait un fusil. Et puis c'est ça qui faisait spécial dans le jeu Castlevania avec un fusil. Mais c'est pas un jeu de fusil, c'est Castlevania, tu sais. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé ça. J'en avais parlé à Retro Nouveau. Tu sais que c'est dans une école avec genre des phéromones là, puis des affaires weird d'écolières. Puis... Oui, oui, il y avait des affaires un peu de phéromones. C'est des petites écolières schoolgirl japonaises, là. Puis ça crie « Nyaar, nyaar, nyaar » tout le temps. Là. Fait que je sais pas si dans le deuxième, ils ont slacké sur le criage, mais somme toute, j'avais quand même aimé ça. Léger, efficace, Metroidvania, du moins le premier. Fait qu'of course que j'allais me procurer le deuxième. Donc, c'est ça. En arrière, rien de spécial. Ça joue à deux. Faut le dire. Moi, j'avais fait tout seul le premier. Mais jouer à deux en même temps à Castlevania, à un Castlevania-like comme ça, puis il y en a un qui a un gun, puis l'autre il y a l'épée, c'est très agréable. Puis Curse of the Moon, ils avaient repris ça, eux, et puis, man, c'est tellement une belle expérience de jouer. Projet de WEG, ça. C'est totalement un projet de WEG. Ouais, ouais. Tu pars ça, là, puis en 4-5 heures, c'est réglé. Ah, wow. Et puis, tu le fais sur plusieurs jours. Tu le fais en 2-3 sessions, là. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, un ben bon petit jeu, ça. Procurez-vous ça. Et le deuxième et dernier jeu du segment collection d'aujourd'hui. Ça, le jeu qui aura semé la polémique et le doute dans exactement. Snow Bros. Special 2. Attends un peu. C'est Snow Bros. 2 Special. Donc là, j'étais un peu confus. Alors, parce que je savais pas que c'était déjà disponible en version physique, cette chose-là. Et puis, est-ce que c'est Snow Bros. 2? Il y a eu un Snow Bros. 2 à l'arcade seulement. Là, est-ce que c'est le jeu d'arcade, ça? C'est ce que je me demande. J'ai jamais joué au jeu d'arcade, donc il faudra que je regarde. Parce que là-dedans, puis je vais lire derrière. Original version. Fait que t'as le 1 aussi, ou t'as le Snow Bros 2. T'as un Snow Bros 2, puis un spécial. Original release en 94. Ça a l'air d'être un... C'est-tu juste un remake du premier? C'est ça qui me fait peur un peu. Mais beau. En même temps, on a vu plein d'affaires, comme ce train-là, tout ça. Ouais. La fusée de même. Il y a pas ça. Ça finit en schmop? Ça finit en chemin. C'est-tu le 1, mais qui ont rajouté de la sauce à côté? Je sais pas. C'est écrit « Enjoy local or online multiplayer ». Online multiplayer, hey. Ouais. Jusqu'à 4. Donc, au moins, c'est aussi au WEG, tu peux jouer à 4. Bah. « Exciting new game modes and two graphical styles ». Fait que ça a pas l'air d'être la grosse affaire, là, en toute honnêteté. Ah, oh, ouais, mais un petit jeu relax à 4 au WEG, ça aussi, hein, comme tu dis. Oui, puis moi, j'ai eu un grand fan de Everything Snow Brothers, alors, of course, ça me prenait ça. C'est disponible pour 55$. Et non 555. Et non, oui, j'avais écrit 555 au début, fait que Jeff était confus. Je cherchais, il y a où le gameplay de ce jeu-là rare qui coûte 500$. Exact. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais genre, il y avait juste des jeux de Switch qui sortaient. Genre, ah! Parce que les vieux Snow Bros, ils valent cher. C'est ça qui m'a tellement confus. C'est ça qui était mélangeant. Alors voilà. Fait que ça vaut pas cher. Et c'est disponible chez Retro MTL. On a une copie de disponible présentement. Alors, laissez-vous aller le portefeuille, mes beaux amis. Et c'est tout pour la collection. Bon. Oh. Écoute le son en arrière. Remets-en. Est-ce que c'est bon? Ça, c'est la toune du deuxième niveau de Gradius 3 Super NES. Et notre ami Michael Baroque Larouche m'a appris que dans cette track-là précise, il y a des fréquences FM, machin, là, qui ont rajouté bien des layers de profondeur pour rendre la toune bien spéciale. Oh. Et la toune est vraiment spéciale. Elle est vraiment, vraiment bonne. Donc, voilà. C'est un bon petit shmup Gradius 3. Tout le temps aimé ça. Alors, on s'en va en critique et j'en fais une petite. Après ça, c'est toi. Bon, j'en ai sept. Et après sept, ça, moi, j'en ai un autre. Ouais, sept très petites, moi. Exact. Ben, on commence. Alors, on y va avec Legion of Hero Tonma. Mesdames et messieurs, ça, belle ça me fait tout le temps penser à Tonmar, je suis pas capable, ça me fait capoter. C'est développé par IREM et publié par IREM. C'est disponible à l'arcade originalement. Ils en ont fait un port sur TurboGrafx-16 et donc PC Engine. Et Fred qui est dans le chat me demande s'il en a déjà parlé à Retro Nouveau. Ça se pourrait. Ça me dit quelque chose. C'est un des jeux chers, ça, de la console. Et puis, on en a présentement chez Retro MTL, Cart Only, juste la petite carte. Je pense qu'on a une version TurboGrafx et PC Engine aussi. La PC Engine, me semble, est autour de 500. Turbo, ça doit être 2000, quelque chose de même. Donc, c'est pas pour les bourses serrées, ça, mes petits amis. Mais moi, j'ai joué sur ma pocket en toute gratuité. Ah, oh, ben oui, comme il se doit. Comme il se doit, là. Mais, of course, si j'étais amateur de ces consoles-là, j'aurais ça dans ma collection. Fait que tu peux mettre du gameplay. Ça, c'est un... À première vue, on dirait un platformer. Et oui, il y a de la plateforme parce que... Ben, il y a des plateformes, puis tu sautes, puis tu tombes dans des trous. Mais il y a des bonhommes qui courent partout, et puis t'as pas une épée, tu tires des projectiles. Et tu pognes des power-ups pour tirer des plus gros projectiles et des projectiles qui font d'autres variations d'attaque. Fait que moi, j'appelle ça comme un shmup... c'est comme un platformer shmup, tu sais. OK. Tu sais, c'est comme Pocky and Rocky, mettons. Ben, Pocky and Rocky, c'est top-down, là. Mais c'est pas un shmup, tu sais, mais c'est un bonhomme qui avance puis qui tire partout. Fait que c'est ça que c'est, ce jeu-là. Alors, c'est beaucoup... Puis c'est un run and gun, un peu, là. Oui, oui. Ça serait comme, un run comme, and gun. Comme Cuphead, là, tu sais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, c'est run and gun. Oui, mais crime, ça ressemble à un platformer quand même. Non, mais c'est un mélange des deux. Là. Mais au look, c'est très platformer, mais oui, t'as raison. Je pense que Run and Gun est la meilleure façon d'écrire ce jeu-là. Et puis, c'est très joli, très, très sympathique, ouais, petite c'est beau. Musique, mais c'est très arcade là, dans les sons aussi. Et puis, dans le gameplay, c'est un one-hit kill, donc tu te fais toucher une fois, tu meurs. Oh, shit, okay. Et puis, il y a 5 niveaux. Il y a toujours des continues, alors ça, c'est pas pire. Et puis, chaque niveau a des checkpoints. Alors, tu recommences pas toujours au début. Mais il me semble que tu as genre 3 vies. Puis quand tu perds tes 3 vies, tu prends un continu. Shit. Puis quand tu prends un continu, ben, tu perds tes points. Mais tu sais, on s'en sac des points, là. Comme toujours. Comme toujours dans ces jeux-là. Moi, je joue pour le finir, tu sais. Fait que c'est ça. On peut voir un boss ici à l'écran qui a une belle grosseur. Chaque boss a des belles grosseurs. C'est une belle grosseur. Ça fait passer à des... Ouais, des belles grosseurs. Et puis, c'est ça. Donc, à l'horizontale, le premier niveau. Le deuxième, c'est monter plus à la verticale. Plateforme en montant. Puis c'est chiant, là, parce que la marde t'arrive d'en face quand même. Donc, c'est ça. Un autre que c'est plus un peu labyrinthe, si je peux dire. Là. T'es comme dans une cave et puis t'es pris dans des zones. Fait que là, tu vas dans d'autres zones. Mais j'ai pas rushé tant que ça pour finir ce jeu-là. Pour vrai, tu finis par l'apprendre. Là, parce que les ennemis arrivent tout le temps à la même place. Ah, okay. Toujours. Fait qu'à un moment donné, tu le reçois d'en face. Ben là, tu t'habitues. Fait que tu le reçois plus d'en face. T'sais, on le voit un peu là, un niveau à la verticale présentement. Ah fait ouais. Que, c'est ça. Tu ramasses de l'argent, ça sert à rien. C'est vraiment de ramasser les power-ups. Là. C'est ça qu'il faut. Et puis, l'argent, c'est des B. Est-ce qu'ils disent pourquoi ou c'est des bidous? B, c'est. Je me rappelle plus. Le bidou. On va dire c'est des bidous. Ouais. Non, mais je pense que c'est un ring de protection comme on voit là. Fait que c'est ça, man. Tu finis le jeu, petite fin, ben un screen, merci, bonjour, c'est terminé. Merci d'avoir joué. Merci d'avoir joué. Merci pour le 2000$. Ferme-moi ça. Ferme-moi ça, je joue plus jamais. Non, mais c'est rare que je joue à des jeux de TurboGrafx-16. Et ouais, puis celui-là, je voulais au moins y donner sa vraie chance parce que c'est quand même un holy grail de la console qui vaut très, très cher. Alors, je suis bien content. Pour vrai, le pire, c'est que j'ai fini ça en revenant du WEG parce que là, j'avais commencé avant le WEG puis en revenant du WEG, j'avais besoin de finir un petit jeu, tu sais. Tu sais, on va voir un deuxième boss, là, une espèce de dragon. Fait que, that's it, man. J'ai eu du plaisir. Donc, je recommande à tous de tenter ce petit jeu-là. Et puis, si vous êtes collectionneur, ben, c'est un must. Ça coûte cher, mais quand on collectionne les jeux, il faut que tu commences par les chers. C'est comme ça que ça marche. Alors, avec les fillers à la fin. Exactement. Donc, pour toutes ces raisons, je vais donner un petit 3 là, à Legion of Hero Tonma. Tonmarde. Il y a eu une inflexion de tonne marde là-dedans. C'est bien standard, c'est bien correct, c'est très arcade, et puis ça se termine bien, puis merci, bon. Bonjour. Fait que, voilà. Excellent. Fait qu'on passait à mon petit segment, donc ce soir, ce soir Dom, j'allais dire Playdate et Dom en même temps. Dom, on va parler de la Playdate, petite machine, petite jaune, différente. Petite, avec une crainte. Différente. Oui. Ça, c'est une référence à Wayne's World. Oui, aussi, oui, dans le premier. Pour les plus jeunes d'entre eux. Pour les plus jeunes, effectivement. Donc voilà, on avait parlé la dernière fois qu'il y avait une saison 2 qui commençait. On est maintenant à la semaine... En fait, demain sera la semaine 4 de la saison 2. Il y a 6 semaines. Fait que j'ai décidé de te parler des 3 premières semaines. Donc les 6 premiers jeux, 7, parce qu'il y a un petit bonus qu'ils ont donné. Puis ça sera pas des critiques, ça va être juste des petits... un overview de tout ça. Fait que si tu veux jouer avec pendant, tu peux, faut que tu fasses deux fois le bouton en haut pour l'ouvrir. Fait que je vais aller dans mes trucs ici. Playdate. Fait que... en fait, c'est samedi. Je me suis dit, il fait beau. En fait, je travaille sur le terrain. Oui. Je faisais mes affaires. J'avais une checklist, puis genre, je checkais les affaires. J'ai tout fait. Je m'en allais en vélo. Je me suis cassé la gueule en vélo. Je suis tombé à terre. Je suis trop vieux. Faut que je retourne chez nous. J'ai pris à Playdate. Dans le sous-sol, à l'air climatisé. Non, j'étais dans le gazebo. Parce que cette console-là a pas de backlit, elle n'est pas rétroéclairée. Ouais, mais dehors au soleil, c'est la meilleure console que tu n'auras jamais utilisée. Ah oui, ça marche. Tellement clair. Ben oui, c'est comme une liseuse. OK. Les liseuses, okay. T'as pas besoin de tout. Je savais pas que c'était comme une liseuse. Éclairé. Fait que j'étais au soleil dans le gazebo, puis je voyais ben trop bien. Puis je suis comme, je vais faire une petite heure, puis checker les jeux. Finalement, après une heure et demie, j'étais sur le premier jeu, puis j'étais encore en train de jouer avec. Ah ouais, hein. Puis c'est le premier que je te parle, en fait. Le jeu qui s'appelle Dig Dig Dino. Donc ça, c'est un jeu d'homme d'archéologie. Oui, il y a du son. Attends, il y a du son. Je vais l'enlever. Comment? Attends, un petit peu. On va juste baisser ça ici. Menu, volume. Ouais, donc Dig Dig Dino, qui est un jeu d'archéologie. Donc, c'est un jeu qu'il faut que tu creuses pour que tu ramasses des artefacts, des os de dinosaures. Puis avec ça, tu vas pouvoir t'acheter des power-ups, des outils meilleurs pour creuser plus creux, plus vite. Fait que c'est un jeu genre un peu de recherche. Là, j'aime assez ça, moi, c'est qu'est-ce que tu fais à part creuser? Y a-tu des ennemis? Non, mais faut... Y a pas d'ennemis, y a rien? T'as trois sites archéologiques différents, fait que t'es unlock. Là. Quand t'arrives dans le deuxième, y a genre des morceaux de cristaux qu'il faut que tu pètes, ça prend une drill plus forte, mettons. T'sais, fait. Puis le jeu, quand tu creuses, a plusieurs levels aussi de creusage. De profondeur. Puis en haut, ce que tu vois, là, le 9, 8, c'est l'énergie. Fait que c'est les coups de pelle que t'as par session. C'est là l'enjeu. Là. Fait que là, faut que tu cherches dans ta map ici, qui est genre un grid base. Là, fait que c'est des grilles. Puis il faut que tu choisisses où est-ce que tu vas aller donner tes coups après ça de pelle, en fait. Ou de drill pour casser les roches. T'as des drills pour casser des roches plus fortes à un moment donné aussi. Puis tu vas débarrer des trucs comme genre un scanner qui va dire OK, des points d'interrogation. Fait que ici, il y a des affaires cachées. Fait que tu sais où aller creuser. Puis ça y va par niveau. Fait que plus tu creuses, plus tu as des affaires qui sortent. Pendant que tu te ramasses avec des gros morceaux de dinosaures. Ah ouais. Puis là, tu reconstruis des dinosaures, tu les vends pour faire de l'argent, pour avancer. Fait que c'est vraiment juste. Là, ouais, on utilise notre argent pour acheter des power-ups, genre plus de drill, plus d'énergie, plus d'affaires. Plus d'énergie, drill qui drill plus fort, plus creux, plus loin. Peux-tu revenir faire les premiers niveaux? Ouais, tu le fais plusieurs fois le premier. Le site, en fait, c'est que t'as. Toutes les sites, tu peux les faire plusieurs fois. T'as trois sites, mais tu les refais à répétition. Ton premier site, c'est tout le temps le même. Les roches sont pas à même place. C'est comme si t'as un gros site, puis t'arrives dans une zone. Ah ouais, ok. C'est super bon, Fred, qui dit intéressant. C'est très, très addictif, ce jeu-là. Ça me donne l'air, man. C'est très, très simple. C'est un jeu que tu peux jouer avec ta TV parce qu'il n'y a pas de temps qui descend. T'as pas rien. Ah, comme, man, c'est ton énergie descend pas. Quand tu payes, ça va descendre, mais. En écoutant la série les Panthers contre les Oilers. Ah, qui s'est terminé hier. C'est ça. Pas de la bonne façon, mais en tout cas. On en reparlera tantôt. Ça, ouais, on en reparlera. Comme là, ils trouvent une épée, un artefact. Fait que tu ramasses de l'argent à ça. Fait que c'est vraiment juste un jeu d'exploration puis de gestion de creusage. Là. Exact. C'est très, très, très le fun. Tu peux jamais mourir là, là-dedans. Là. Non, tu fais juste tout le temps plus. Là. Parce que t'existes pas, t'es juste un petit carré qui creuse. Fait que, ouais, c'est juste du creusage. Puis à la fin, t'as comme une liste. Bon, voici, t'as ramassé tant d'artefacts, t'as cassé tant de rushs, ça te donne tant d'argent. Puis là, va les power-up, va voir les affaires que t'as ramassé, découvre des nouveaux dinosaures. C'est très, très hot. Très, très cool. Beau petit jeu, très bien exécuté, super le fun. Le numéro 2, Dom, Fulcrum Defender. Donc, c'est le jeu que je disais la semaine passée ou dans l'autre show qui. Ressemblait à Arcahan ou Arcahar, quelque chose de genre, là, qui est un jeu qui se joue uniquement avec la manivelle et un bouton. Donc, tu contrôles une base qui est dans le milieu de ton écran et la manivelle fait tourner dans un 360 la zone où tu vas viser, en fait. Et tu as des petites billes, des carrés, des ennemis, en fait, qui sont juste des shapes comme ça, qui s'en viennent vers toi, qui veulent attaquer ton centre. Fait que le but, c'est de tourner la manivelle, d'étirer, puis de te rendre. Je pense qu'il faut te surveiller 10 minutes à ce jeu-là. t'as un timer là. Plus t'avances, bon, tu vois que par en haut c'est des balles, par en bas c'est 3 balles rapides, puis t'as 2 power-ups qui vont se débarrer que tu peux acheter. Plus t'avances, tu débarres des trucs comme ok, tu peux choisir tel power-up ou tel power-up, fait que ça va changer ton gameplay un petit peu. C'est super le fun, super bien fait. Oui. Très minimaliste, mais très très bien exécuté. Ça à l'arcade, sur mon arcade de centipède, ça joue très bien avec le spinner. Ah ouais, c'est le fun. Ah oui, un spinner. C'est ça, fait que c'est le fun. Ouais. Mais la manivelle, c'est comme un spinner, fait que ça joue très très bien ça avec. Là. Ouais. C'est un très bon jeu, j'ai eu bien du plaisir avec ça, mais c'est des petites games rapides, ça. C'est pas facile non plus. Là. Voilà. Ça s'appelle Fulcrum Defender. Donc, ça, c'était la semaine 1, donc de la saison 2. Il y a un troisième affaire qui est sorti, je vais t'en reparler à la fin parce que c'est pas un jeu, c'est une affaire très weird. Donc après ça, semaine 2, pour ceux en fait qui l'ont pas en plus, t'as playdé ta flash le jeudi. Là, t'as 2 cadeaux dans ton interface que tu peux ouvrir. Puis ça fait pouf, des feux d'artifice, puis c'est ton jeu sort et t'as un nouveau jeu. Troisième jeu d'Dom, Wheelsprung. Donc c'est un jeu d'une petite un écureuil en vélo. Là, fûtons pas, genre le genre de glitch, c'est la capture qui était weird là. Ok, mais c'est pas dégueulasse de même. Non, mais c'est dégueulasse de même de genre. C'est comme dessiner à la main, là, un peu, le tableau. Mais c'est comme Motocross Maniac. C'est ça, c'est que la physique, c'est ça qui est difficile à apprendre au début. C'est que tu pars, puis tu lèves, genre, ta roue va lever par en arrière. Fait qu'il faut peut-être que tu fasses un ballon un peu, puis t'avances avec ça. Super intéressant, faut que tu fasses des tricks. Puis c'est un jeu à tableau à compléter avec différents tricks, te rendre à la fin. Faut pas que tu te pètes la tête, parce que tu meurs quand tu pètes la tête. Faut que tu ramasses des noix, tu sais. C'est très minimaliste, encore une fois, mais très le fun, très beau. Elastomania, effectivement, c'est de ça que c'est basé, je crois. Ah, oui. Ce genre de jeu-là, là. Mais oui, version Playdate, là. C'est hot. J'aime vraiment tous les jeux de Playdate que toi et Bruno vous avez présentés en spectacle. Je trouve qu'ils ont tous l'air bons. Puis genre, c'est comme la pointe de l'iceberg parce que c'est les gros jeux qui te donnent dans les saisons. Mais tu vas dans le store catalogue, puis il y en a plein des jeux de même, là, super bons qu'on ne connaît pas. Fait que juste des showcases, je pense que c'est bien. Là. Ah, c'est ça. Ça s'appelle le Wheelsprung, donc c'est vraiment le fun, gars. Tu peux faire plein de. T'es dans l'espace, dans celui-là. Tu peux comme aller sur le mur, puis te virer de bord, puis aller de l'autre côté. Fait que c'est très, très, très bien. Très bonne affaire. Puis l'autre jeu qu'il y avait dans cette semaine-là, lui, je l'ai pas joué encore au complet, mais j'ai vu c'était quoi. Donc ça s'appelle The Whiteout. Donc c'est un jeu d'action-aventure, style point and click, un peu avec du texte, puis faut que tu prennes des décisions, tu sais, puis tu vas dans des screens, tu cherches des indices. C'est un jeu dans lequel on est dans un futur pas si lointain et il y a une tempête de neige perpétuelle. Ah. Et c'est ça, The Whiteout. Donc, ça, comme on peut voir à l'écran, là, ça a vraiment l'air très bien. Il y a quelqu'un dans le chat sur Discord qui dit qu'il avait fini. C'est une affaire de 2-3 heures. La même affaire pour Dig Dig Dino, c'est un 2-3 heures ça avec. Là. C'est des expériences assez courtes mais qui se finissent bien et qui sont très le fun. C'est super beau, super inventif. J'adore ça. Ça s'appelle The Whiteout. J'ai hâte de jouer pour en plus pour vous en reparler. Là, mais. Moins mon style, ça. Moi aussi, mais c'est ça qui est bien, je trouve, dans les saisons de Playdate, c'est qu'ils ont bien choisi leur jeu. C'est jamais de deux avant pareil, de la variété. Là, juste avant, dans la même semaine, t'as eu genre Wheelsprung, justement, fait le jeu de moto, et ça. Dig Dig Dino, qui est un jeu genre de creusage, puis t'as la belle affaire de shmup un peu. Ouais. C'est bien. Semaine 3 après ça, promis, c'est un jeu de rythme qui s'appelle Otto's Galactic Groove. La particularité de ça, c'est que ça joue avec un bouton et la crinque. Donc, ta cible est à droite sur une ligne verticale. Avec la crinque, tu vas la monter, descendre, puis il faut que tu pèses le bouton au bon moment pour rejouer la musique. Ouais. Fait que t'es comme un alien, là, je sais pas trop, là, ou un lapin, je pense, qui aide un DJ alien à faire de la musique dans des planètes. C'est super le fun. Il y a un level editor, fait que tu peux uploader ta musique, faire tes tableaux que tu veux avec ça. C'est très, très bien. J'ai joué un petit peu tantôt avant de m'en venir. C'est le fun. Regarde le petit pattern. Oui, c'est ça, faut que tu joues. C'est le fun. La musique est bonne. La belle affaire de la Playdate, c'est qu'ils ont limité, je pense, la taille des jeux, mais pas de la musique. Fait que la musique est écœurante, elle sort super bien. Ok. Galactic Groove, Otto's Galactic Groove, coming soon on Playdate. Fait que disponible maintenant sur la saison 2. Très, très le fun. C'est des planètes, ça, avec de 2 chansons par planète. Faut que t'avances. Puis... Ouais. Super bonne affaire. Et l'autre jeu de la semaine passée, en fait, qui s'appelle The Long Puppy. Ou juste Long Puppy, en fait. Ah, ça, c'est bizarre. C'est un jeu de casse-tête un peu, ça. Donc, t'as un chien qui doit s'allonger pour aller chercher une balle. Puis, tu t'allonges de plus en plus en mangeant soit des cerises, soit des pommes dans le niveau. Fait que la manière que ça marche, c'est que ta crinque contrôle la tête en 360 en direction. OK. Puis ton bouton va s'allonger après ça, ton chien, le plus loin qu'il peut avec le nombre de fruits ou de fois que t'as mangé. Puis quand tu lâches, il va aller où est-ce que la tête est. Ouais, il y a des pattes qui sortent, puis ça pogne là. C'est ça, le fait. Avec ça, c'est carrément des casse-têtes. Là. Fait que comment je vais me rendre là pour devenir plus grand, plus grand, plus grand? Mais que tu peux marcher tout le temps? Ben, tu peux marcher jusqu'à ouais, ta longueur que t'as, là, mettons. Là. OK, comme, OK, mais... Comme, le genre, il s'allonge. C'est comme un élastique, slinky, là, ouais. Un slinky. Là. Tu l'allonges, mais il va revenir à l'autre bout du slinky. Là. Mais le défi là-dedans, c'est quoi? C'est le temps. Le temps, parce que t'as un chien jaloux qui vient essayer de te pogner. Et aussi trouver comment aller manger les pommes ou les différents morceaux de nourriture au début pour devenir assez long pour aller plus loin dans le niveau. Ah, parce que plus tu manges, okay, plus tu t'allonges. Ah, OK. Tu t'allonges, fait que ouais. Ouais, là, tu viens de manger un gros morceau de viande. Fait que là, t'es rendu à 16 pieds, là, dans le bas, là. 16 pieds. Il me semble qu'il y a des jokes de caca aussi de chien là-dedans, là. Fait que j'ai pas joué super longtemps, mais j'ai vu, puis j'ai fait comme, waouh, c'est vraiment bien. Ah ouais, là, t'es vraiment long, là. Ouais, là, t'es rendu. OK, fait que là, tu peux aller plus loin. Au début, t'es juste comme, je pense que c'est comme 4 pieds, là. Ouais, là, ah. Là, je pense qu'il doit être au maximum de sa longueur en ce moment. Là. OK, fait que là, t'es en haut, tu fais chier l'oiseau, tu manges son nick. Ouais, c'est ça, fait que c'est un... Il en a 17 pieds. C'est un genre de jeu de puzzle, de plateforme, genre casse-tête, avec un chien qui fait caca, qui mange des pommes. J'adore ça. Ça s'appelle Long Puppy, c'est incroyable. Long Puppy. Fait que c'était les 6 jeux de la première moitié de la saison 2. Il y a une 7e affaire qui est sortie, je pense que j'en avais parlé l'autre fois, qui était un genre de poste de TV, là, j'avais... brièvement parler de ça, mais j'ai toujours pas catché c'est quoi cette patente-là. Ça s'appelle Blippo Plus. Est-ce que j'aime le nom? Fait que ça, t'ouvres ça, OK? Puis là, ça griche dans ton écran. Puis il faut comme tu tournes la manivelle pour trouver des fréquences, puis t'aligner. Puis là, c'est comme si tu captais un poste de TV. Un réseau de télé intergalactique quelque part dans une autre dimension, une autre planète. Ah, et puis c'est comme du vidéo. C'est là. Du vidéo, mais c'est du FMV, mais comme downgradé playdate. Oui! Fait que c'est ça que tu vois en ce moment là ici là. Fait que c'est un poste de télévision, tu vas descendre avec ta manivelle, tu cliques, tu arrives sur différentes émissions et c'est tout. Il y a rien comme j'étais comme il y a de quoi en arrière, il y a pas, je pensais que c'était horreur quelque chose. Mais si tu changes pas de poste, ça continue tu pendant. Ça continue, c'est ça doit louper, ça doit revenir au menu, j'ai pas. Ça doit louper, ouais. Ça doit louper, mais il y a des affaires weird là, genre 10 trick computing. Là, c'est genre des close-up avec la musique sexy, genre de clé USB qui se branche dans un ordi. c'est tout est weird, creepy, fucked up. Et le monde qui ont fait ça, c'est House, qui est la compagnie qui a fait Untitled Goose Game. Ah ouais. Fait que c'est leur prochaine affaire, c'est ça. OK. OK, ça c'est un preview. Non, ben ça c'est genre c'est la publicité de ce que c'est. De ce que c'est, OK. Parce que t'as vu tantôt le guide horaire, puis toutes les postes, c'est ça. Fait que là, avec la crainte, tu peux changer les postes. Puis tu regardes différentes affaires. Butin de nouvelles weird que tu comprends pas. Il y a des références entre les émissions, comme sur le même univers, mais c'est. Il y a rien de plus que ce que c'est, genre que de l'exploration. Je comprends rien, hein, c'est quoi qui se passe là. Écoute, quand le vrai jeu sera disponible, peut-être qu'on va savoir ce que c'est. Non, mais c'est disponible, c'est ça. C'est disponible, c'est ça. C'est ça, ce que tu okay. vois, c'est ça. Là. Puis t'as pas fait de recherche avec ChatGPT pour savoir... Ben, il me l'a dit, mais il dit que ça a l'air très weird, puis on comprend pas trop c'est quoi, puis il y a pas tant d'explications. Mais gars, je vais te le montrer, je lis ici, gars, si tu vas dans ça. Gars, lis pas plus. Le Rubber Report. Tu l'as, là. Fait que là, tu peux... Tu trouves avec la... Tourne avec la manivelle, puis va sur un poste, puis tu vas voir quelque chose. Genre, c'est juste... OK, je choisis un de ces postes-là. T'écoutes un des... Fait que c'est genre un simulateur de TV d'une affaire qui n'existe pas, là. Bon, il n'y avait rien à ce poste-là. Ça se peut vite, tu peux changer les postes. Des fois, il n'y a rien, des fois, ça griche. Des fois, tu as des channels, des affaires weird. Puis, ce que je trouve vraiment étrange de ça, c'est qu'il y a une page Steam de ça, mais en couleur, qui s'en vient à l'automne. Fait que clairement, il y a quelque chose de plus que je ne catch pas encore. C'était pas annoncé dans les jeux qui allaient sortir. C'est comme leur surprise. J'ai toujours pas mis le doigt vraiment sur ce que c'est autre que c'est une chaîne de télé intergalactique weird que tu peux écouter si t'as Playdate. Je suis surpris, pareil, tu dis que c'est les gens d'Untitled Goose Game qui mm-hmm. doivent avoir fait quand même de l'argent avec Untitled Goose Game. C'était leur prochain projet, ça a été ça. Mais Chris, me semble que c'est pas un projet payant, ça là, une affaire fuckée comme ça, injouable sur la Playdate. C'est peut-être un de leurs side project puis il y a une équipe A qui travaille sur autre chose, je sais pas. Ah, peut-être. Mais je comprends rien, je sais pas c'est quoi, je trouve ça fou raide. Il n'y a pas l'air d'avoir rien à faire autre que de l'écouter. Fait que c'est juste, c'est très bizarre. Là. Je trouve ça un bold move. Mais c'est très bien vu que c'est gratuit et c'est comme un extra de ta saison. Ça, c'est pas la meilleure place pour le passer, cette affaire-là. Là. Ouais, j'avoue. Mais je te dis, je comprends rien du tout de ce qui se passe. Là. Collection unavailable. Tout, là, genre, je bouge les postes. Il n'y a pas rien qui joue à soir. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a rien à soir. Il n'y a pas de game. De, ouais, non. Game de... Dance of the Ants. De Water Polo, quelque chose. Boredom Room. Quizzard. Là, Quizzard, là. Welcome to Fentofax. C'est une affaire de fax interne. Je comprends rien. Ouais. Mais c'est malade. J'adore ça. Je trouve ça malade que ça existe. Exact. Ah non, c'est vraiment... Fait que c'était la première moitié de la saison 1 de la Playdate. Si vous l'avez toujours pas acheté, vous ça, c'est parfait. Vous avez payé des 80 pièces de frais de douane, probablement. Mais... Oui, c'est ça, hein? c'est ça qui arrive. Je pense qu'on va me prendre cette machine-là un moment donné pour tout faire ces beaux petits jeux-là, fun. Là. J'aurais dû te le faire jouer. C'est une belle longueur. Il y a déjà le petit mini Castlevania que j'avais déjà parlé. Oui. Castle Tinting Glatel, je sais pas quoi, là. Tintagel. Castle Kling Kling Glatel. Castle Tintagel. Donc voilà, c'est je continue, j'adore cette console, c'est magnifique. Pour des petites expériences courtes, le fun, très satisfaisant. Ben merci beaucoup Jean-François pour la play date maintenir à jour. Saison 2, première moitié. Fait que je vous en reparle dans deux épisodes peut-être, la prochaine deuxième moitié. Excellent. Voilà. Trop cool pour faire des vraies critiques, parfait pour faire des petites présentations. C'est ça. Mais des jeux qui ont tout le temps l'air fucking cool quand c'est même. C'est tout très très bon. Là. Ouais. Même si c'est moins mon style certaines affaires, ça reste que c'est bien fait pareil. Là, absolument. La qualité. Parlons de qualité. Parlant de qualité, on s'en va en Sega Master System avec un jeu qui s'appelle Submarine Attack. Regarde-moi cette belle pochette. Ah, j'ai capoté quand je l'ai vu. Je l'ai trouvé en belle qualité. J'ai comme shooting! Puis ce que j'aime de la pochette aussi, c'est qu'il y a tous les vrais boss dessus. Puis c'est le vrai sous-marin. C'est comme un vrai dessin, tu sais, qui a été commandé à un illustrateur. Ouais. Le gars, il a fait un jeu, puis il a dit à un illustrateur, « Voici de la vraie argent, mon argent, et puis tu vas me faire un dessin propre pour mon jeu. » Et puis, d'ailleurs, cette personne qui a fait ça, c'est Alexis Kropotkin. faut passer du temps un peu là-dessus, là. Ah ouais, ah ben, je sais pas, hein, j'ai pas grand-chose à dire sur Alexis Kropotkin. Alexei Kropotkin. Alexei Kropotkin. Kropotkin. Il y a un gag de potin ici. À l'envers, là. Ça fait Nito Pork. Ok, c'est pas là que je pensais qu'on allait, mais c'est bon. À partir de maintenant, on va juste dire beaucoup souvent les affaires à l'envers. Ouais, on est sur le prochain trend pour les 20 prochains épisodes. Exactement. Alexei. Mais c'est surprenant, donc c'est développé par ce gars-là. Ben, c'est un jeu européen, ça, en passant. Okay. Hein? Donc, c'est pas sorti en Amérique du Nord. Ça devait être disponible ici comme bien des jeux européens de Sega Master System, I guess. Moi, je sais pas pourquoi j'ai joué à ça. Je me rappelle plus. Ah ouais, okay. Je pense que c'est... j'étais sur Internet, puis je checkais GameSack, puis là, j'ai vu popper une affaire de ci, de ça, d'un coup, j'ai vu du gameplay de ça. J'ai dit, oh, on dirait un cool shmup. D'ailleurs, tu peux le mettre. Et puis, j'ai été intrigué. Parce que moi, j'aime beaucoup, avec ma Pocket, explorer les jeux de Sega Master System. C'est ça qui est le fun de cette machine-là, d'avoir tout. Ben, c'est le même, j'ai joué à Hero Tonma. En fait, je cherche les jeux, je m'amuse à tester les jeux de TurboGrafx-16, PC Engine et Sega Master System. C'est cool, ça. Toutes des affaires que j'ai décidé que j'allais arrêter de collectionner, faute d'argent et d'espace. Et puis, pour focusser sur les affaires que j'aime de tout mon cœur. Mais, moi de dire, si je collectionnais le Master System, c'est le genre de petit jeu qui serait dans ma collection. Ouais. C'est sûr et certain. Puis, ce que j'aime aussi avec le Master System, c'est que c'est très coloré. Là. C'est des couleurs là, hyper opaques, vives, contrastantes. T'sais. Mais il y a quand même, comme on le voit à l'écran présentement, dans ce jeu-là, des effets de couleurs. Mettons, tu vois, sur le dessus de l'eau, on sent... C'est pas juste bleu. Puis après ça, un autre bleu pour le ciel. Des petites lignes blanches. Exact. Puis les roches, là, il y a du petit shadow, on le sent. Le sous-marin, il y a des... Oui, c'est vrai, shadow dans les roches. Il y a des shadows, il y a un effort. Même le bleu dans l'eau est différent à certains endroits. Puis ils ont même fait des petits pixels juste pour différencier. C'est bien. Exactement. Il y a un effort fait sur le sprite puis sur le background aussi. Je trouve que... T'as un effet de profondeur qui est faké par le design puis les couleurs, le choix des couleurs, c'est bien. Totalement. Des choses que t'as pas quand tu joues à Alex Kidd, mettons, là, que c'est carrément opaque, là, bang, bang, ça te pète dans la face. Puis là, on vient de voir un boss d'une belle grosseur. Là-dedans aussi, les boss ont des belles grosseurs. On aime ça, les grosses boss, nous autres. Ouais. Et puis, toutes les boss dans ce niveau-là, dans ce jeu-là, à part celui du premier niveau, sont tous gros et imposants et intéressants. Fait que c'est ça. Et puis même, la musique est bonne, là. Sérieux, il y a une belle composition musicale. La musique du dernier niveau est vraiment ça accroche là. Donc, visuellement et la musique, on est vraiment dans le top, je trouve, des jeux que j'ai essayé au Sega Master System. C'est de la qualité. Il y a 6 niveaux, il me semble. Et puis, tu as un tir de base qui va devant toi et tu vas vraiment pas vite. Et tu pognes des power-up pour tirer plus vite. Ah, tu as une bombe aussi qui fait un arc quand tu la lances, qui va dans les airs. Parce que des fois, tu as des ennemis dans le ciel aussi. Fait que la bombe, elle peut aller dans le ciel puis tomber dans l'eau. Donc, tu utilises cette bombe-là comme une deuxième force d'attaque quasiment au même type que ton attaque de base. Pas mal rien qu'au premier niveau, en fait, que je baderais à tirer ce qui sort dans le ciel. Après ça, j'étais surtout en dessous de l'eau. Et puis, c'est ça. Donc, tu gagnes à tirer plus rapidement. Et tu gagnes aussi de la vitesse de déplacement, ce qui aide énormément. Parce que sans speed, là, ça fonctionne pas partout. Okay. Comme dans la vraie vie. Et puis, j'aime ça faire des jokes de power-up, de speed. Puis après, quand j'ai fait une critique de Gradia, j'ai dit, tu sais, faut pas que t'en prennes trop de speed parce qu'à un moment donné, ça devient ingérable. Comme dans la vraie vie. Ouais. Exactement. Et puis, qu'est-ce que je disais? Ouais, puis tu pognes aussi des power-ups dans le fond ça? Qui te redonnent ta vie parce que t'as comme 3 hits et puis tu meurs. Alors, quand tu pognes un power-up comme ça, ça reset tes pertes de vie à zéro. Et c'est cela. Moi de dire, c'est quand même pas si difficile. Ma première game, là, je suis mort un peu au premier niveau, le temps de catcher un peu à la game. Ouais. Puis après ça, ça allait bien. C'est comme Gradius, dans le fond. Un coup que t'es full équipé, t'es capable de faire le jeu au complet. Il y a 6 niveaux, comme je disais. Et puis, moi, je les ai toutes faites sans mourir. Et puis, je suis mort peut-être une fois à un boss, quelques fois au boss final, parce qu'il y a vraiment une petite zone, là. Il y a rien qu'une place où tu peux te mettre, puis tu te fais bombarder. Okay. Fait que, tu sais, le dernier boss est vraiment plus difficile que les autres. Mais outre ça, c'est très, très, très faisable. Voici un autre gros boss. Et puis, la plupart des boss, ils se brisent par section. Là. Tu pètes les canons qui sont dessus, puis après... Tu sais, il me semble que genre j'ai mis ton gameplay au complet, puis c'est genre 15 minutes. Là. Oui, c'est ça. Hein, tu devais être content que je t'envoie pas des gameplays de 3 heures ben, anyway, pour une fois. J'aurais même pas pu les loader, mon logiciel de download marche plus. Fait que les 45 minutes et plus, je peux plus les loader. Ah, OK. Fun fact, là. Je vais me souvenir de ça. Des fois, je m'arrange quand tu m'en donnes des trop longs, là, mais c'est ça. Ouais. Les dessous de chez Papa Cassette. Exact. Tout tient sur des bâtons propres. Ah, toujours. À un logiciel qui pète, que genre, tout ferme. Que tout ferme. Puis là, tu vois, notre ami ici qui joue, il est en train de jouer, rendu au 4e niveau. Puis là, c'est des pyramides en dessous de l'eau. Mais il y en a du stock en dessous de l'eau. Puisque le fun, c'est pas très haut, très creux en dessous de la surface. Donc, s'il y en a qui s'intéressent à faire la plongée sous-marine, ça aurait été une bonne place pour en faire parce qu'il y a du stock en hostie. Tu vois que le stock est drette à vue d'œil en haut de l'eau. Là. Exact, des civilisations. Il y a une civilisation en bas de l'eau. Ah oui, c'est full. Mais ce qui a le fun aussi, c'est que pour un jeu de cette époque-là, chaque niveau a ses propres ennemis. Ouais. Donc, ça, c'est vieux, guys. Là. C'est avant... C'est du 8-bit. Là. Fait qu'il y a vraiment un gros effort là, qui a été mis dans ce jeu-là. Puis je pense que ça tire beaucoup de power de la machine. Donc, pour ça, c'est très, très, très hot. Mais bon, c'est ça. Fait que ça... C'est un peu redondant, c'est rapide. Puis un coup que tu finis le jeu, t'as un écran avec le sous-marin, tu sais, puis une petite vue là, jolie. Là, ça dit... Est-ce que tu continues ou tu fais « end » Fait que là, moi, j'avais peur. Fait que j'ai continué. Puis là, j'ai fait une deuxième loop qui est exactement la même affaire. Pas plus dur, pas rien. Tu as fait recommencer. Et puis là, j'arrive, je bats le boss de fin, j'arrive. Fait que, est-ce que tu continues ou « end » Là, j'ai fait « end » et puis ça n'a rien fait. Je suis revenu au title screen. Ouais, c'est ça, tu te nailles. T'ouvres la porte sous-marine. T'ouvres les écoutilles, tu te nailles. Puis on salue Milter dans le chat qui nous raid avec un party de 1. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Fait que donc c'est bizarre que le jeu te demande si tu veux continuer ou juste arrêter là, mais c'est ça. Fait que dans le fond tu continues pour essayer de faire le plus gros score possible. Puis si je dis que ce jeu-là est one lifeable assez facilement, ben I guess quelqu'un veut jouer le plus longtemps possible et puis faire le plus de points. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ça au final, tu sais? Fait que that's it, man. J'ai regardé le prix de ce jeu-là, c'est environ 40-50$ selon Price Charting. Donc moi j'ai jamais vu ça. Je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu ici chez Retro MTL. Je rappelle que c'est un jeu européen, mais quand même il y a beaucoup de jeux européens Sega Master qui ont fait le chemin ici en Amérique du Nord. Donc très très très belle petite découverte là. Essayez ça, émulation, whatever. Vous pouvez aller l'acheter hein, si vous aimez les bons jeux. Moi, comme je disais, collectionner le Master System, j'aurais ça chez nous. Alors, pour toutes ces raisons, m'a donné un 3 pommes également à Submarine Attack. C'est une soirée 3 pommes. C'est une soirée des 3 pommes, mon gars. C'est ça. Ça aurait pu être beaucoup plus, mais en même temps, visuellement, musicalement, gameplay, tout ça est très, très, très bien pour la machine. Puis, c'est ça. Belle petite job efficace. C'était mes deux petits jeux efficaces de ce soir. Excellent, ça. Excellent. intermède musical pour pouvoir boire. Oui, monsieur. Fait que là, on est rendu aux questions du public. Voilà. Laisse-moi checker ça. On va aller sur Instagram comme d'habitude. On commence. Sûrement que les Freshette Bros vont être là. Ils sont partout. Ils sont partout. Alors, Bambino Tacos. J'aimerais savoir. Bambino. Tacos. Tacos. Il a écrit il y a 3 heures. Ah ouais, c'est lui qui a écrit le plus récemment. Ah non, il y a 1 heure, Antonin Fréchette. Anyway, il y en a pas beaucoup. Ils sont tous là. Donc, Bambino, j'aimerais savoir votre avis sur la nouvelle ère que propose Nintendo en mélangeant le numérique et physique pour offrir la fameuse Game Key Card. Pour ma part, j'en suis très déçu, car je fais partie de ceux qui paieraient bien plus, qui paieraient bien le surplus pour avoir le jeu complet sur la cartouche. J'étais en train de dégueuler par en dedans. Excusez. Merci beaucoup et bonne fin de show à vous deux. Alors, pour expliquer, donc, Jeff, si oui. Tu savais pas, donc, il existe 3 types de jeux Switch. Il existe le Game Key Card. Donc, ça, tu as la cartouche dans la boîte. Et puis, cette cartouche-là, il n'y a presque rien dessus. Il te permet de débloquer le jeu en ligne et de télécharger sur ta machine. Chose que PlayStation et Xbox font depuis très longtemps. Quand même, là. Fait que là, Nintendo commence à le faire. Fait que là, le monde, ils sont pas habitués que Nintendo il fasse ça, là. Puis, ils n'aiment pas ça. Puis, quand c'est un Game Geek Card, vu que c'est moins cher à produire, ben le jeu, il coûte 80-90$. Là. C'est le cas, par exemple, de Street Fighter. C'est ouais. Ce qui vient de sortir. Donc, Capcom décide... C'est pas Nintendo qui décide, là. C'est les gens qui font le jeu. C'est Capcom décide, nous, notre jeu, il va être moins cher. Puis, on va le faire de cette façon-là. Cyberpunk, le jeu est au complet sur la cartouche, mais il coûte 120$. Mario Kart World, le jeu est au complet sur la cartouche, il coûte 120$. Donc, si tu veux tout sur ta cartouche, tu vas payer. C'est comme ça. Fait que dans le fond, là, tu payes pour être 100% propriétaire d'un jeu ou pas. Là. Exactement. Fait qu'à 80$, si les serveurs sont down, tu joues pas à ton jeu. C'est ce que les gens sont pas contents de. C'est ce que ça a l'air. Mais je rappelle que tout le monde fait ça depuis longtemps. Là. Oui. Il y en a pas des jeux de PS5 avec tout le jeu sur le jeu. Là. Ben, non, ben, peu, genre, là. Je sais pas comment ça marche à l'interne PS5, mais mettons, le jeu de lutte, là, tu mets le DVD dedans. Il load 90 gigs après pareil là, pour avant de commencer le jeu. Fait, ben, c'est ça que c'est. Il y a quoi sur le disque de base? Il n'y a rien. La clé, c'est la même. Ben exact. C'est sauf que Nintendo prenne le temps d'appeler ça Game Key Card. Eux, ils le cachent pas genre, derrière le fait que peut-être t'achètes un jeu ou pas. Là, ouais. Exactement. Fait que t'achètes pas un vrai jeu. Si Nintendo ferme, ça ferme. Mais là, c'est aussi avec les Game Key Cards qu'il y a de bien. Mais tu peux le vendre ton jeu. Là. Tu peux le prêter aux gens. C'est juste. Tu le télécharges, le code, ça revient au même. C'est vraiment comme une clé. Il n'y a pas une autre vérification supplémentaire que genre c'est bien à toi la clé que t'as. Genre. Exactement. Puis okay, c'est okay. Pas genre un code de téléchargement ouais, payant. Ouais, unique, de, comme si c'est un jeu qui se passe comme un vrai jeu complet au final. Là. T'as-tu besoin d'avoir la Game Key Card dans ta machine pour jouer avec? Si tu l'as téléchargé? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Parce qu'après ça, tu pourrais le passer à tout le monde. Tout le monde télécharge puis je joue sans avoir la clé. Ouais, donc pas, la clé doit être nécessaire à être dans ma machine. Probablement, ouais. Fred, dans le chat, il dit les jeux Limited Run sont sur le disque. Ben, j'ai pas vu de jeu physique de Switch 2 de Limited Run annoncé encore. Ben, faut que tu aies la cartouche dans la machine, ouais. Okay. Ah, il dit les jeux sont sur le disque, donc les jeux de PS3 ou ouais, de ouais. Xbox, parce que Fred. Ouais, c'est ça. PS4, PS5, excuse-moi. PS4, PS5 et sûrement Xbox Series. Fred, il collectionne ces jeux-là. I guess que les jeux sont tellement petits qu'ils fitent tout sur le disque, donc là, ils font pas chier avec ça. Donc, les gros jeux de ces consoles à disque, probablement. Là, c'est l'équivalent du keycard. Donc, j'imagine que c'est ça. Alors, les gens sont bien déçus de ça, mais que veux-tu, man? C'est le futur, là. On est rendu là. Ouais. Puis, that's it. Puis aussi, il y a des codes in the box. Encore. Donc, t'achètes ça, c'est une boîte avec un code dedans. Ouais. Pas de cartouche, pas rien. Juste pas la boîte. Là. Faut que ça arrête, là. Ouais, c'est ça que Fred a dit dans le chat. L'idée de Limited Run, faut que le jeu puisse être jouable sans download ouais, pour ouais, toujours. Ouais. Ben, c'est ça qu'on veut, tout le monde qui aime le médium physique. Alors, moi-même... C'est peut-être ça aussi, l'avenue qui s'en vient totale. Ça va être... Tout va être genre numérique ou le Game Key Card. Ou... Et à un moment donné, va tomber sur Limited Run ou genre... Bon, ben voici genre l'édition de collection de ce jeu-là, finale. Peut-être. Peut-être que ça va être ça, là. Exact. À voir. Mais on est rendu là, puis il n'y a rien qui va l'arrêter, guys. Puis c'est ça qui est non, ça. Non, c'est l'air du temps. Fait que si t'aimes pas ça, ben achète-les digital parce que ça revient au même. Et quand les serveurs vont fermer, ils vont fermer pour le digital et pour le... Ils ont-tu les versions genre multiples du même jeu? Genre tu peux l'acheter genre Game Key Card, digital ou numérique ou complètement... Ben digital c'est toujours. Après ouais, ça, ouais, tu peux ça, pas choisir. Il y a pas, y a ça, pas Game Key Card ou genre complet en, exact, complet en exact. Boîte. Le choix du publisher... Complet en cartouche. Okay, okay. Le choix de la compagnie. C'est-à-dire que le publisher choisit une méthode de physique, puis c'est toi qui ben, qui sait, peut-être qu'il y en a qui vont décider plus tard de leur faire. Ah ouais. T'sais. Moi, man, je vais me tenir tranquille sur les jeux de Switch 9. Là, pour vrai, j'ai pas. Anyway, il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. T'sais, j'achèterai les franchises. T'es là pour les jeux indie, c'est une petite cave. Là, exactement, ma calice, je ne vais pas payer ça. Mais mettons, s'il y avait un nouveau Kirby, Switch 2, toute sa cassette. Là, je l'achèterais. Wow, ouais. C'est une franchise que j'aime beaucoup. Un nouveau Zelda top-down, pas 3D. Là, j'achèterais. Là, le nouveau Donkey Kong, c'est sûr qu'il va être comme ça. Là. Il va coûter 120$, il me semble. Puis tout va être sa cassette. Puis ça, c'est cool. Là. C'est comme un nouveau Donkey Kong Country, ça, là. Mais 3D. C'est des IP, ouais. Ça, c'est un vrai IP Nintendo, toute sa cassette. Fait que ça, t'achètes ça, c'est beau. Et puis, ce que j'aime aussi des jeux Switch, c'est que sur la tranche, c'est pas Switch 2, c'est pas tout rouge. Il y a... C'est la couleur du label, tu sais. Ah ouais. Il y a un petit logo Switch 2. Fait que c'est pas dans ta bibliothèque un mur rouge comme de PS1 ou de Switch, ouais. Tu sais. Chaque jeu a son, va avoir sa tranche de couleur, là. Ah, fait que ça, c'est le fun que ça revienne à ça. Alors voilà ce qu'on en pense, cher Bambi. Et voilà. Simon94. Vous avez des vies visiblement bien remplies. Comment faites-vous pour gérer le stress qui vient avec? PS, merci de parler de vos galères professionnelles et de piscine pour JF. Vos podcasts m'aident à gérer mon stress, me faisant sentir moins seul à avoir des problèmes. Un gros merci, signé Simon Pellerin, ancien envoyeur de livres. Ah, on l'aime, Simon. On l'aime, Simon. D'ailleurs, Simon, tu nous as toujours pas dit où est-ce que tu étais rendu. Ouais, on veut des petits gâteaux Vachon, c'était quelque chose. C'est ça. On sait pas où ce que t'es, mais on veut des gâteaux Vachon. On veut des affaires de où ce que tu travailles. Gratuit, s'il vous plaît. Et puis. Quincaillerie, envoie-moi des vis. Faut que je dise, hey, c'est chez nous. Je suis tout le temps à quincaillerie en train d'acheter des affaires. Je suis dans quincaillerie. Je suis chez Canac, chez Rona, partout. Exact. Tout le temps. Puis chez Canac, c'est ce monde-là. C'est... J'aime ça, moi. Ah ouais, moi j'ai acheté des lumières pour dehors, une poignée de porte, pour un filet de hockey pour mon gars. J'avais comment gérer nos vœux? Puis j'ai une drill dans les mains chez nous, quelque chose. Ça me semble, j'arrête jamais. Là. Pas plus tard que tantôt, j'ai revissé le manche d'une poêle à frire. Tout le temps en train de réparer des affaires. Il y a deux heures avant de partir, j'arrête d'arroser mes fleurs, là. Installer le hamac, tout le temps en train de gosser. Ouais. Mais bref, donc. Moi, je suis celui qui gère le moins bien le stress, anyway. Là, fait que j'ai pas de conseils de la personne. Toi, ça, t'as l'air de parfaitement géré. Ah, mon corps me lâche. Je fais des breakdowns chez nous, là. C'est fou. Là. Qu'est-ce que tu fais? Tu te chies dessus? Non, je paralyse, puis je fais plus rien. Bon, je max out. Je peux plus rien faire en ce moment. Trop de stress, là. Trop de stress! Non, mais c'est tough. Canadian Tire, on parle de... Ah, pour vrai, moi, j'aime pas ça, le Canadian Tire. Il y a beaucoup de choses. C'est dur de se retrouver, puis t'as jamais de service. Ben, du moins, celui sur Sherbrooke, à Montréal. Pas... Ah, moi, Canadian Tire, parlez-moi pas. Chaud, je m'en vais. Ouais, s'il y avait un Canac à Montréal, je préférerais aller là. Ah, j'ai un Canac au coin de la rue chez nous. Ça, c'est très bien. Ça, là. C'est très utile, c'est je sais. C'est là que je vais en priorité, normalement, là. Exact. Fait que toi, JF, tu gères pas, donc? Ben, je gère pas. Non, pas tant. Là, c'est tough. Là. La vie va vite, mais genre, je suis seul, j'ai un jeune enfant, j'ai une job qui prend beaucoup de temps. C'est tout ça en même temps qui est beaucoup. Là. Ouais, c'est ça. Ah, moi, c'est différent. Je suis moins sur le gun là, du stress. Mettons, les enfants sont grands, fait que là, ils commencent à... Tu sais, c'est d'autres stress, là, mais c'est pas genre courir partout comme un malade. Je cours plus. Ouais, moi, je cours gros, plus, là. Mais il y a de la planification, tu sais, puis des affaires. Puis là, on est dans mon plus vieux, il y a ça. Sa graduation finie secondaire, fait que là, c'est JEP. C'est beaucoup de gestion de stress. Ma blonde est très stressée, là. Okay. Beaucoup, là, pour les enfants. Mais là, moi, j'ai de l'air du gars, tu sais, qui se calisse de ses enfants. Ah, ouais. Parce que j'ai pas le même niveau de stress, puis je suis prêt à en laisser passer pas mal plus pour qu'il. Mais ça c'est tout le temps un débat aussi. Ouais, c'est clair. Mais ça va très bien à la maison, là, en passant, mais des fois, les mères puis les pères, ils sont. Non, mais c'est juste normal. Ils sont pas pareils. c'est normal, là, pas le même style, de toute façon. Exactement, c'est pas le même style. Mais, of course, que ma blonde a une charge mentale très grande. Et puis, ça, je le conçois. Puis, je me rends compte que c'est le cas de beaucoup de femmes, en fait. Et puis, Ça m'a peut-être sonné sexiste, mais puis c'est pas le cas. Je vais juste observer les choses, mais les femmes prennent beaucoup dans leur tête, tu sais. Ouais. Et puis nous, on moins. Ce qui fait qu'on devient... Mais moi, je vais me faire le défenseur des pères célibataires. Vous faites toute une crise de bonne job parce que c'est pas facile d'élever un enfant tout seul comme père parce que c'est pas les modèles qu'on est habitué généralement. Ouais. Tout le temps, le modèle du père qui fait rien, qui fait juste gueuler puis pas s'en occuper. Puis c'est plus ça maintenant. Là, fait que c'est... Ben, surtout toi, là, père mono, non, man, c'est que tu gères. Là. C'est tough là, parce que c'est de la gestion non-stop parce que tu veux pas que ton enfant, pas qu'il souffle, mais tu veux qu'il soit bien partout ce qui est. Là, fait qu'il faut que tu... Oui, oui, mais tu sais. Mais c'est de la gestion, c'est de la charge mentale. Tout ce que tu fais à deux, je le fais tout seul. C'est exactement. Ça, tout ce qu'on fait en équipe, là, toi, tu le fais tout seul. Fait que tu me dis des fois, mais tu le fais pas quand t'es en plein, par contre. Non, mais les affaires que t'as en double, faut que tu les fasses quand tu l'as pas. Parce que quand j'ai mon gars, je peux rien faire à part m'occuper de mon gars. Je peux pas faire mes commissions. Ben, je le fais avec lui, les affaires, là, mais genre. C'est vrai que tu peux rien faire. Les affaires, il demande mon attention beaucoup, là. En ce moment, là, à 5 ans et demi, là, il me parle non-stop. Fait qu'il faut le temps que je sois proche ou. Ouais. Pas un projet, là, pendant qu'il est là. Non, c'est ça. Juste faire le barbecue, c'est limite ce que je peux. Faire quand il est chez nous. Mon enfant, le barbecue, je sors une seconde. Papa! Comment tabarnak! Je dors deux secondes, une minute, là. Veille les affaires. Veille les burgers. Veille les steaks. Là, je fais les smash après une minute et demie, c'est fait. C'est vrai? Ah, man. Mais professionnellement, ben moi, j'ai peut-être une vie différente parce que j'ai ma business, mais j'ai d'autres enjeux. J'ai 45 ans, puis des fois, tu dis que. J'adore ma business. Ça, ouais, c'est pas un problème, mais je me dis, j'en fais-tu assez? Est-ce que je suis en train de devenir slacker? Est-ce que c'est normal si j'ai moins envie d'en faire un peu? Tu sais, là, j'ai vendu mes parts de l'arcade, là, j'ai plus ça. Est-ce que je suis en train de plus être assez, tu sais? Ouais. Est-ce que je donne trop? Là, est-ce que, là, je me sens coupable de, genre, rien faire les soirs de semaine, juste gamer, tu sais? C'est mon autre problème, ça aussi, là. Tu sais, j'ai... Dès que j'ai, genre, une heure de libre, je suis comme, hey, je pourrais jouer. Ok, mais il me semble que j'ai genre 1000 affaires à faire dans la maison qui attendent que genre d'avoir une heure. Fait que là, je culpabilise de pas faire. Fait que je finis par rien faire. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, ah, m'a doom scrollé pendant une seconde. Il y a 2 heures viennent de passer, j'étais sur mon téléphone. Ouais, c'est ça. Mais. J'essaie consciemment maintenant de faire comme. Soirée est prête, là. Genre, téléphone ailleurs, pas besoin du téléphone. Puis là, je fais mes affaires, là. Prends 2 secondes. Faut que je parle avec ChatGPT, j'ai mon téléphone. Faut que j'y parle. Faut que je parle, mec. Là, je gossisse mon arcade. Ça a pris mon temps. Ça m'a déstressé les dernières journées, ça, l'arcade, là. Ah ouais, c'est ça. C'est un projet. Moi, pour me déstresser, en fait, en effet, je travaille à sa maison. Je gosse dans le cours. Je vais à quincaillerie acheter des lumières, j'installe ça. Parce que quand j'ai rien, Chris, je suis nerveux. Je tombe dans le vide. Puis ça, je suis pas capable. Mais justement, sur le gun, que j'ai l'impression que c'est pas normal quand j'ai rien à faire aussi. Non, c'est ça, moi, avec. Oui, je me sens vraiment. J'oublie quelque chose. Il faut que j'aille nettoyer les gouttières. Genre, j'ai des affaires à faire qui attendent. Là. Ouais, non, c'est pas évident. Il y a une balance à trouver. Là, qui fait, il y a du laisser aller aussi à avoir. Là. La oui. maison chez nous est le bordel aujourd'hui parce que mon gars il est passé 2 jours chez nous. Des jouets partout, il y a des Legos en bas, des pistes de course, des Hot Wheels. Je suis comme, oh fuck that. Là. Genre, je ramasserai ça à un moment donné. Mais... Je vais le ramasser, mais qu'il parte après la fin de semaine là, parce qu'il revient. Là. Exact. Mais non, mais moi, c'est ça. Moi, c'est des enjeux. J'ai des enjeux où est-ce que je me questionne si j'ai encore la touch, tu sais. Je suis encore assez hot en affaires, tu sais. Est-ce que je devrais... Tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneuriat puis des affaires, puis je me dis, tabarnak, man, je devrais travailler là, le double par semaine, là, puis booster la business, puis ça. Puis je me sens très coupable de pas en faire... De ne pas me lancer en burn-out de même. D'un autre côté, je me trouve faible de ne pas avoir la fougue des entrepreneurs. Mais tout ce monde-là, c'est des vies tough là, qui mènent. Là. Fait que, tout à fait. Fait que j'écoute trop de ces affaires-là. Je pense que je me sens faible comparé à ce monde-là. Fait que tu vois, je me cause du stress épais. T'écoutes ça pour te motiver et ça te démotive parce que ça te décourage de voir ce que tu fais. Exact. Ce qui est pas correct, là, mais ouais, je comprends ce que tu sens. Là. Luc Poirier, ouais. Là, le nouveau documentaire, là, t'sais, ce gars-là, je veux dire, il travaillait 40 heures par semaine du cégep, t'sais, en même temps qu'il allait aux études, whatever, t'sais, puis moi, je buvais de la bière. Là. Ouais, mais c'est ça, moi aussi. Je pourrais, là, présentement, pas être ici en train de boire de la bière, puis travailler sur comment. Ouais, mais ça prend on vieillit, ça prend une balance à un moment donné, je pense. Là. Moi, je suis rendu à l'âge où je. Le grind, là, ça me tente plus. Là. Ouais, l'overtime en fou, non, ça me tente plus. Exact. Là, on est genre, c'est pas de travail, ça, là, ce qu'on fait là. Ça, c'est léger. C'est du plaisir, c'est pas bien long à préparer, puis on a trouvé une bonne formule, puis c'est correct, là, mais. Mm. Mais même à ma job, moi, je suis comme, je suis à la bonne place en ce moment. Non, faudrait que tu travailles ici, oui. Jeff. J'essaie de convaincre Jeff de venir travailler ici. J'attends d'avoir les bons chiffres. C'est ça. Il faut qu'on trouve comment on va le payer, mais hostie que ça Mais pour vrai, je suis là comme... Je pourrais être en train de faire crissement mieux que ce que genre de gérer de la merde du monde qui savent pas ce qu'ils font, puis genre de juste dispatcher de la job. Puis ouais. Je ne produis plus rien, je suis plus développeur, puis je suis comme... Ça, je perds mon temps en ce moment. Ben, tu fais de l'argent, man. Oui, mais j'ai un niveau de stress très élevé, puis je produis rien. J'ai aucune satisfaction de faire ce que je fais. Exact. Fait que j'arrive en bout de la journée, puis je suis comme... Je viens d'être rushé pendant 8 heures, puis là, faut que j'aille chez mon fils, puis je vais avoir un autre, genre 5 heures, il va me rusher non-stop à pas me lâcher. Toi, je suis mort après ça, moi, en fin de journée. Ben là. Oui, man, je comprends. Ça va finir par se placer, là, il s'en va à l'école. Là, il va aller devoirs, ça va être un autre niveau, ça va être d'autres choses. Ben, là, ça s'en vient. Des petits devoirs de seconde, de première ben, année. Pas sûr, ça va maternel, il n'y aura pas de devoirs maternels. Ben, les devoirs sont de moins en moins à mode aussi, en passant. Là, ça va être fait par ChatGPT. Non, mais il en donne moins. J'ai hâte de voir comment l'éducation va s'adapter à ça, moi, par exemple. Ah, man, ça va être intéressant. C'est un beau défi. Mais un autre sujet de discussion pour une autre fois. Ouais, là, il faut continuer dans les questions. Dans Instagram. Donc, on était encore dans Instagram, là. Man. Tu pourrais travailler 80 heures par semaine, mais au bout de compte, c'est quoi ta priorité? Car dis-toi que tu peux crever demain suite à un AVC. Galgator, tu sais, on parle de salaire et tout. Pas avoir de stress à un prix aussi. Ben oui. Ben fait oui. Que ça compte dans la balance, tout ça. Exact. Martine, qui est ici maintenant, associée, donc actionnaire, a laissé aller beaucoup d'argent pour venir travailler ici. Là, on en a parlé longuement, une longue discussion de deux WEG avant. Là. Ben oui, mais où est-ce qu'elle était? Elle était très malheureuse, tu sais. Fait que, of course, là, elle était bien payée. Puis elle avait des gros bonus, tu sais. Puis là, quand on regarde tout ce qu'elle avait, moi, je me sens mal, elle vient ici, tu sais, tabarnak. À 60 000 de moins. J'espère que t'aimes ça le tapis. Puis, la statistique. Puis les cochonneries. Les cassettes sales. Mais on a du fun à mort. Là, fait que ça a de la valeur ça, au final. Fait que faut trouver la bonne balance. Là, fait que bon. Tom Fréchette, des Fréchette Bros. Les Comment bros. Trouvez-vous l'arcade Popeye côté objets et jeux? As-tu deux, trois bons jeux, oui, à conseiller? Là, c'est triché, ça, c'est deux questions. L'arcade Popeye, elle a le même format que l'arcade Donkey Kong, que l'arcade Mario Bros. C'est un jeu de Nintendo. Et puis, c'est exactement le même jeu que Popeye au NES que vous avez tous probablement joué. Mais oui, sur votre 42 en 1. Exactement, exactement. C'est Popeye Black Box. Là. Et puis, tous ces petits cabinets-là de Nintendo sont absolument magnifiques. C'est des belles petites boîtes là, carrées. Là. Puis là, check-moi ça, tout bleu, là, tout hot. Nintendo avait la licence de Popeye à l'époque. Popeye a déjà été big, c'est guys. C'est magnifique, c'est pour vrai. Je veux juste rappeler aussi aux gens d'où vient le nom Popeye, selon ce que j'ai lu. Tu vois comment Popeye, il a un œil fermé puis un gros œil. Oui, ici. Donc, ce que j'ai lu, c'est que c'était un gars qui était dans une taverne tout le temps, un matelot, puis il avait un œil fermé. Fait qu'il y avait un pop. Aïe, il y avait un œil de Popeye. Wow. Et le monde, il l'appelait Popeye. Wow. Fait que ça, le vrai Popeye matelot est un Soulon de taverne avec un œil crevé. Est-ce qu'il faisait déjà puis manger des épinards? Les épinards, je ne sais pas, c'est venu de où. C'est juste pour faire manger des épinards aux enfants. Exactement. Je pense que ça a purement été ajouté pour ça. Que pour ça. Wow. Fait que c'est à vérifier. Si ChatGPT était là, il pourrait nous le redire. Ben, en fait, il est jamais là, mais on le mettra pas. On va le laisser tranquille. On laisse ça au Denis Drolet. Ils font dans leur podcast. Oui, c'est vrai. Je paye 30$, ça marche tout croche. Fait que oui, c'est un très bel arcade, mais c'est un jeu que je trouve pas super le fun, pour être franc. Ouais, ça joue genre une petite game de 3 minutes, genre c'est à plusieurs in one et that's it. Là. Exact. Également disponible sur Atari 2600. ColecoVision, je me rappelle plus. Disponible avec Check and Pop, puis Pop and Nuts, puis aussi ces cassettes de 260. Ouais. Des bons jeux de Wii à conseiller, ben là, il y en a une chier. Là. Mais mettons, on va essayer de sortir des sentiers battus. Rhythm Fever, ça, c'est un jeu de rythme le premier opus était Rhythm je me rappelle plus quoi, c'est-y. Les Rhythm, il y en a un au DS, puis il y en a un sur Wii. Rhythm Heaven, Rhythm... Ouais. Celui sur DS, j'ai oublié le nom. Rhythm Heaven et Rhythm Fever. C'est ça. En tout cas, celui sur Wii, il vaut malheureusement maintenant très, très, très, très, très, très cher. Et puis, mais il est super le fun. Donc, c'est une belle série. Gunslingers est un bon shmup. Pas un shmup, mais un jeu de tir sur rail comme la Wii. Il y en a plusieurs. Donc, ça, c'est cool. Mario Galaxy 2, oui, là, parce que c'est un évident. Là. Les Mario Galaxy, of course, Kirby Return to Dream Land. Kirby, l'autre, là, dans laine, là. Epic Yarn. Epic Yarn, en effet, est comme un fucking must, là, dans franchise Nintendo. Les et les bits. Les bits. C'est une expérience. Les bits sur DS est meilleur. Target Terror est un autre bon jeu de tir. Les House of the Dead. Et puis, voilà. Jim qui demande, demain, la 1UP sort celle de Popeye si je l'achète. Dans un optique que j'ai de la place pour la mettre, oui, probablement. Là. Puis là, tu pourrais t'en faire un cabinet jeu de Nintendo dédié de cette époque-là. Juste ces jeux-là. Là, c'est l'espace qui me manque. Parce qu'il y en a deux que je m'achèterais en ce moment. La Wheel of Fortune pour mon désir de gambling. Là. C'est genre, c'est une casino key qu'ils appellent. Mais sinon, une double genre NBA Jam ou Turtle que tu peux être joué à deux ou quatre dessus. À quatre, ouais, ça te prendrait une quatre player. Mais j'ai pas de place chez nous pour ça vraiment en ce moment dans mon setup. Mais quand je vais l'avoir, ça, je fais ça. Là. Je me hack ça. Là, mais voilà. Voilà. Voilà. G. Roy 007. C'est peut-être un. Il me semble qu'il y a un 007 dans le chat des fois. C'est peut-être le 007 GF. Vu que c'était la fête des pères ce dimanche dernier, quel est votre papa préféré de l'univers des jeux vidéo? Kratos. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Papa J'ai préféré. Pas de. Man, c'est. Dracula, père de Alucard. Donkey Kong. Non, pas père, de... ouais, père. Bowser, plusieurs enfants. C'est vrai, il y a plein d'enfants. Ouais. C'est un père le fun, ça. Ben, Donkey Kong, il y a Donkey Kong Jr. Ouais, même, c'est vrai. Pas Diddy Kong. Diddy Kong, c'est autre chose. On sait pas si c'est son enfant, c'est vrai, Diddy Kong. On le saura jamais. Fait que, c'est une question qui demande. Les jeux avec des pères. Shower with your dad simulator, là, le père là-dedans, là, avec qui tu prends ta douche. Ah ben, ça c'est un must, c'est certain. Bisous dans pixel et tout. Bisous dans pixel. non, j'allais dire Strago dans Final Fantasy 3 pour la petite fille, mais c'est sa petite fille, c'est pas sa fille en fait, la petite magicienne, là, Elm, je pense, ou j'ai oublié son nom. Ouais, c'est Frank qui dit qu'il a le corps à l'envers, c'est Dracula. C'est vrai, oui, donc là, on est dans le thème des affaires à l'envers. Là. Oui, ça marche. Tout à fait. Donc, voilà. Ça m'a pris du temps avant de catcher ça quand j'étais jeune. Sinon, le père fourra dans le jeu de Fort Boyard. C'est vrai, voilà. Toi, t'aimes beaucoup ça, ce jeu-là, donc on reste dans les pères. On ramène ça. Antonin Fréchette, donc l'autre bros. Avec l'arrivée de la Switch 2, je me suis remis à explorer plein de jeux indie que j'avais complètement manqué ces dernières années. Est-ce que tu aurais des recommandations, des titres à saveur rétro? Comme des Castlevania-like et compagnie. Sinon, félicitations à GF qui avait prédit le gagnant et le roster final de la Coupe Stanley. Ah! Tu connais ton hockey, Jean-François. Des choses qui se disent, ouais. Ça a l'air que j'écoute ça un peu. Exact. Bon, là, Antonin... J'avais aussi calé 4 sur 5 de Money in the Bank. Ah ouais, hein? Ouais. Oh, ouais. Pas pire aussi à la lutte. Chris, tu devrais tout gambler ça. Ouais. Là, ces non, affaires. Non, je suis en pause de gambling. Là. J'ai perdu mon bankroll. Je suis comme, bon, j'arrête de jouer pour un petit bout. Là. Ah, c'est correct ça. C'est seulement que ça marche, l'argent de divertissement. C'est bien ça de connaître ses limites. Ben oui. Mais écoute, Antonin, pour le reste, c'est rendu qu'Antonin, on se voit à chaque semaine. Ah, ouais, il passe en magasin ici. Nice. Il était avec son épouse aujourd'hui, d'ailleurs, à moins que ça soit Zazer. Mais il était avec. Oh, peut-être que c'est un secret. C'est lui qui a dit qu'il est fait hacher Ben, je pense que oui. Alors, sais-tu cette épouse-là que j'ai vue de mes yeux avant hier? Quand tu perds, tu dois doubler pour refaire tes gains. Oui, le Martingale, je connais ça très bien. On ne fait pas ça si on ne peut pas se ruiner. Tu as perdu ça, mais remise 200 quand tu vas te revendre. Ah non! remise 200. Tu as perdu 200, remise 400. Oh, ben. Ça peut descendre très vite, ça. Ah ouais, hein? Fait que c'était elle qui était là avec toi cette semaine, c'est elle qui a empêché l'achat du Panic Restaurant. Pas qu'on se parle. Mais écoute, vu qu'on se voit souvent maintenant, je vais pas te répondre ici parce que là, ça va être long. Mais déjà, on s'en parle en magasin. Service personnalisé en magasin maintenant. Exact, c'est du service personnalisé. des jeux indés complètement... Attends, à explorer plein de jeux indés, est-ce que tu aurais des recommandations? Ah, c'est ça, il y en a trop, faudrait que je scanne ma librairie. Puis que je te dise ça. On s'en jasera en magasin, mon cher ami. Merci pour ta présence, de toujours être présent sur le show et de venir en magasin et d'être et de participer à finir des cassettes et tout. C'est très agréable. Ça vous prendrait sur votre site genre un petit flag, genre Hidden Gem ou genre Choix Papa Cassette. Oui, absolument, absolument. Fait que c'est très apprécié si j'étais là, je ferais tout ça ta rapidement. Participation. Hein? Si j'étais là, là, demain, ça serait fait, là, dans tout ça. Là. Je sais, man. Tout ce que ça a de la valeur. Je suis tellement en train de payer du monde à faire des affaires que tu aurais déjà faites, là, si ah, tu je sais. Savais. Si tu sais comment je le sais, là. Hey, tout ce qu'on a, tout ce qu'on pourrait faire, man. Oh, my God. Ouais. Je fais rien que ça, là, virer de sourd. Virer de sourd. Rêver puis, que je sois là. Oui, puis là, je pense au AI, man, puis à toutes les possibilités, puis je suis comme ébloui. C'est comme si je vois l'immensité, puis là, je panique, esti. Faudrait que... Ah, si ça pouvait faire... J'arrive pas à contrôler mon esprit. Moi, je vois l'inverse, comme... Oh mon Dieu, un outil ici, un outil là, ça peut parler à ça. Wow! C'est non, ça que je veux, mais moi, je le comprends pas, ça, parce que je suis pas un programmeur, tu sais. Fait que... Il y a plein de monde qui approuve mon idée de Hidden Gem, Papa Cassette. Ben, absolument. Mais vous savez, je le fais un petit peu, si vous regardez les stories de Retro MTL, quand il y en a, ouais, des fois... Vrai. Quand je suis en magasin pour régler un truc ou un autre, je pogne un jeu, je suis comme « Hey, ça! Hey, ça! » Et puis, j'ai un bon ratio. Parce que je dirais, 1/2, je fais vendre le jeu, tu sais, avec un story en disant « Ça, c'est malade, ça, c'est... » Ouais, tu vois, je suis même pas sur le payroll, là, puis j'ai plein de bonnes idées, là. Faut... Ben oui. On salue Martine? Genre... Absolument. Elle est en vacances, ouais, présentement, ouais. En plus, elle est en Écosse, tu vois. Elle est dans les paysages de Braveheart. Ah oui, Jean-Gabriel Harvey, il a acheté. Tu vois, ça a fonctionné. Et puis, bravo pour ton achat. J'espère que tu as du plaisir. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Même s'il n'y a aucune logique et aucune bombe dans ce jeu. Non, exact. Bon, on commence en force avec Mikaël Goulès, ouais. Le professeur. On commence à les connaître, là. Je suis en train d'écouter les épisodes de Rétro Nouveau en ordre décroissant et lors du 100e, toi et Bruno avaient hijacké le show avec deux personnages trash. C'était pas vous autres, c'était les Hammer Gamers. Venait-il de Tedford? Plus sérieusement, vous vous êtes inspiré de quoi ou de qui pour arriver à ce duo? Ça, c'est très drôle. Ça, là. Ah, merci Jean-Gabriel, contact apprécié. Donc, les Hammer Gamers dont tu parles, c'est deux personnages vraiment gainés, trash, douchebag, mais très des trash. Des trucs qui boivent la bière, puis exact. T-shirt Bud Light. Puis ça, man, ça vient de loin, là. Si tu es en ordre décroissant, c'est que tu viens de pogner la fin, donc probablement le dernier épisode, où est-ce qu'il y avait des Hammer Gamers. C'est la dernière fois qu'on les a vus en vidéo quelque part, ça a été là. Mais on les a fait en audio une fois, me semble. Non. Puis j'avais amené mon chapeau ici, on l'a fait pour un podcast. Tu sais, comme on les a pas fait un petit comeback, one mais shot. C'est ça qui parle. Ah, c'est de ça qui parle. C'est que dans le 100e épisode, il y avait une pause où est-ce qu'on mettait les meilleurs moments de Rétro Nouveau. Puis là, pendant la pause, à un moment donné, ça, genre, il y a des pubs. Là, ça, je suis comme, ah, oh, ça fuck. Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est la toune des Hammer Gamers qui part. Là, vous rentrez et c'est moi, Mario, puis Nick. Parce que j'ai pas eu des archives de vos fois. Puis là, vous faites juste dire de la merde, puis je vous envoie chier, puis vous partez. Puis après, on continue le top 50, je sais pas quoi, là. Ah, c'est ça, c'était man. La dernière présence, puis on n'avait pas les bons costumes. On avait comme ben, Bruno, affaires, il là. Avait perdu son... Moi, j'avais encore des affaires, là. Bruno, il avait un t-shirt de Bud Light. Moi, j'ai un foulard d'en face, une calotte, tu sais. J'ai une grosse quille de bleu, genre. Exact. Puis, on joue à Call of Duty. Call of Duty, puis on parle trash, puis tout. Puis, je sais pas d'où, pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça, en effet, fourrer des Wii U. Ça vient de Rétro Nouveau TV, ça. Exact. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça à l'époque? Parce qu'à l'époque, on faisait des segments, puis ça serait drôle d'avoir un segment que c'est juste le monde qui chie sur les jeux vidéo sur le net tout le temps. C'est ça, l'inspiration. On était les haters, genre. Parce qu'il y a eu, c'était comme, il y a eu une vague à cette époque-là de... C'était populaire de chier sur des jeux, là, puis oui. De genre d'être... Et encore aujourd'hui. Ouais, moins, je trouve, mais oui, à l'époque, beaucoup, c'était un gros trend, Angry Video Game Nerd, pis ça, là, genre, fait que là, on a fait comme... Ouais, non, non, attends, c'était pas pour rire du... Non, mais c'était l'époque où c'était populaire de rire, fait que là, on a fait comme, ben, OK, on va faire des gars qui sont hyper trash, puis que... Ah, mais la critique sociale de ça, c'était pas c'était Angry les... Video Game non, Nerd... Non, c'était plus les gamers qui... de Call of Duty qui... Exact, c'était le monde en genre... ligne, tu sais, les douchebags en ligne qui rient les gamer du monde, bro, les gamers, là, qui rient du monde. Que faut que tu joues à Call of Duty puis t'as pas le droit d'aimer des affaires de Nintendo puis ça, tu sais, c'était ça là. Fait que c'est, on s'inspirait de la grogne en ligne des haters de jeux vidéo comme tu sais comme il y en a quand même. C'était juste genre loud mais pas de contenu. Ah non, là, man. Il n'y avait rien de man. Scripté, on le faisait au fur et à mesure, tu sais. On avait des mini affaires qu'on savait qu'on allait faire dedans mais rien. Ouais. Ouais. Quand je réécoute ça aujourd'hui, des fois, c'est gênant. C'est vraiment fucking gênant. Puis pour Rétro Nouveau TV, man, on avait la porte de garage de chez Bruno qui ouvrait. Nous autres, on était là. Puis il y avait une toune de Skrillex. Là, non, donc... Skrillex avec un bout de Terminator. Là, comme, ouais, you can't go around killing people. Why? Alors, on l'a... Juste la porte, puis juste monter descendre. C'était fait très cheap et très incroyable. Ah non, mais c'était hot, man. Ah, c'est une mes affaires préférées. Ah ouais, on a mis... Fourrer les Wii U, puis genre... On a mis des efforts là-dedans, c'est incroyable. Donc, si tu continues à descendre... Mais là, s'il écoute les podcasts, il va arriver à... Maintenant, il faut qu'il tombe en vidéo. Parce faut que t'ailles en vidéo. C'est là que tu vas voir toute la glorieuse époque. Retour Nouveau TV, là, c'est... C'est mon greatest achievement de ma vie, ça. Exact. Fait que Jean-Gabriel, non. 007JF. Donc, effectivement, c'est un des clients de chez Retro MTL qui achète les jeux que je recommande. Donc, c'est ça. Mais des fois, j'ai peur, tu sais, que les gens. Merci beaucoup. Et puis, parfois, j'ai comme peur d'être trop. D'aimer une affaire que le monde n'aime pas, tu sais. Puis là, je dis, fuck, le monde l'ont acheté, tu sais. Je pense que c'est correct. Le monde savent un peu tes tons. Mais des fois, peut-être, j'en sens trop un jeu Atari comme ça, t'as la fin. Ouais, mais en même temps, c'est un jeu Atari, là. C'est genre. C'est ça. J'étais pas capable de pas comprendre que c'est pas un jeu de PS5, c'est ton problème, là aussi. Ah ouais. Mais j'étais en magasin cette semaine, puis il y avait un gars que je connaissais pas, tu sais. Puis là, on se met à dropper des jeux, tu sais. Puis il aimait ça, les Metroidvania, les affaires, tu sais. Fait qu'on était parfaitement alignés. Fait que je pense que les gens qui savent les styles de jeux que j'aime peuvent faire confiance à quand j'aime une affaire. C'est ça, là, ça, vous allez aimer ça. Alex Neveu, monseigneur. De la Verrochère. Jeff, tu utilises quelle sorte de thermomètre quand tu fais du barbecue? Rectal. Oui, bucal. Rectal pour moi, en fait, pendant que je cuisine. Tu vois, il faut que je rentre dedans un peu, j'ai chaud. Non, mais je n'ai deux, là, puis j'ai pas de marque en particulier, ça vient de chez Canac, ces affaires un peu cheap, là, mais c'est genre une sonde que tu rentres dedans. Là, c'est... Une bonne vieille sonde là, pour exact. Les dindes dans le four. J'en ai un juste manuel que genre je pique dans mon poulet qui tourne, genre, puis je regarde, genre, OK, il n'y a pas de température, ouais, mettons. Mais sinon. Là, c'est tough pendant qu'il tourne. Non, mais j'arrête mon moteur. Là, je rentre. C'est pas prêt. Je continue. Ouais. Il y a des meters, M-E-A-T-E-R. Là. Meter. Que j'aimerais avoir. Mais ils sont Bluetooth. Mais c'est genre. Ça vaut 300$ pour genre 4. Là, fait que c'est là que j'aimerais aller à un moment donné. Mais là, j'ai des meters très cheap. Là, bon. De base. Qui va sur mon téléphone. Je le plug. J'entends. Je regarde mon. Ah, oh, mon port était à 137 degrés. Faudrait bien que je sorte bientôt. Ça va être prêt. Ah, ça, c'est bien, ça. Donc, linké avec ton téléphone. Ouais. Donc, une application qui va... Exact. Puis, en général, ce que je fais, c'est que je vais en mettre un dans une des viandes puis un sur la grille pour avoir la température de la grille. Fait que si je vois que ça monte très chaud, je suis comme, ah, oh, le feu est pris dans le barbecue, il faudrait bien que j'y aille. Puis, s'il descend très bas, je suis comme, bah, ben, j'ai plus de briquettes ou j'ai plus de charbon, quelque chose, il faut que j'aille checker ça. Tu vois, t'as plein d'affaires à dire, là. C'est ouais, ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ce que j'utilise, Alex. Bon, ben, c'est très impressionnant. Voilà. Stéphane Talbot. Talbot. Ou Talbot. Moi, je vais dire Talbot. À chaque semaine, je dis Talbot. À chaque jour, je dis Talbot. Talbot. Voyant les nombreuses licences rétro qui font un retour grâce à Tribute Games, mis à part le prochain jeu de Marvel qui s'en vient, quelle autre franchise aimeriez-vous que Tribute Games ramène? Pour ma part, j'aimerais bien revoir Bucky O'Hare, un peu à la formule de celui de la NES qui était excellent. On rappelle que Tribute a annoncé aussi un nouveau jeu de Scott Pilgrim. Oui, oui. Donc, ça, c'est cool. Ça fait un hommage un peu parce que faut savoir que les fondateurs de Tribute étaient chez Ubisoft avant et ont travaillé sur Scott Pilgrim à l'époque. Et puis c'est Paul, il avait aussi engagé Paul machin là, pour faire le artwork. Et puis that's it, c'est terminé, c'était Ubisoft. Oh, ouais. Là. Puis ce Paul là a travaillé avec les gars sur Mercenary King, c'est lui qui a fait leur artwork. Et puis, je pense qu'il va revenir encore pour faire le nouveau Scott Pilgrim. Okay. Et puis, donc, ce nouveau Scott Pilgrim-là, ils ont ramené tout le monde, sauf Ubisoft, ce qui est parfait. Comme ça, puis même le créateur de Scott Pilgrim. Ah, ouais, c'est ça, il est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Et puis, la musique, Anamana Gucci aussi qui revient. Ouais. Tout le lore, tout le cast original, toute l'équipe bon, originale. Ouais. Ça va être du gros, un jeu qui est plein de love. Là. C'est tellement une bonne... franchise Scott Pilgrim qui est pas assez utilisé, je trouve. Là. Ouais. Parfait qu'il ramène ça. Le film, moi, j'avais bien aimé aussi. Moi aussi le film en vrai, tu veux dire? Ouais, le vrai film. C'était bon. La série de livres, j'allais chez nous, est très bonne aussi. Là, ouais. J'avais commencé la série, mon gars, il a fini par décrocher, fait que j'ai pas continué, mais oui, tout de Scott Pilgrim est très intéressant. Là. SSS Frank qui dit Mercenary King, c'est vraiment bon comme jeu aussi. La musique de Scott Pilgrim est vraiment bonne. Oui, en effet. Donc, Anamana Gucci, qui est un band torontois, même, je pense. Mais ça vient de Toronto, Scott Pilgrim. C'est ça, Scott Pilgrim, ça vient de Toronto aussi. Tout ça est très Toronto. Alors, cool stuff. Mais sinon, Bucky O'Hare, ça serait le fun à ramener. C'est une franchise, c'est un comic. Ça passait à la télévision. Ouais. Ça, c'est pas pire. Sinon. On serait dû pour un bon jeu de He-Man. Ça existe-tu un jeu de He-Man à part à la télévision qui était très bon? Mais là, tu vas vendre ça en fou. Là. Fais un Instagram demain là-dessus. Là. Ah, man. He-Man, la télévision, achetez ça tout de suite. Ouais. Ben, hey, si vous avez une télévision, achetez He-Man. Il faut qu'il y ait une commande qui passe là. Dans les 5 prochaines minutes, vous allez avoir 10% de rabais. On n'a plus de He-Man. On les a tous vendus. Qu'est-ce que tu veux? Calice. Je te dis, les rabais sporadiques pendant le show, ça va marcher, ça aussi. Ça pourrait être une bonne idée. Une autre bonne idée. Mais non, He-Man, pour vrai, je cherche dans ma tête, puis je trouve rien. C'est vrai, t'as raison. Où sont les jeux de He-Man? En même temps, y'a-tu quelqu'un qui demande ça, des jeux de He-Man? Ben oui, tout le monde demande ça, man. Il y a tellement un univers de ça. Oui, oui. I have the power. Ils font des G.I. Joe, ils font des Transformers. C'est vrai. Ils faisaient des He-Man, là, puis des She-Ra. Transformers. Non, pas Transformers. Ouais, là, il y en a. G.I. Joe. Ben, on vient d'essayer au Weg un G.I. Joe pas bon. Cheap. Là, c'était pas bon du tout. Sinon. Des affaires japonais. Les petits castors. Les Battletoads. Oui, ça serait bien qu'on reprenne. Il l'avait eu sur Xbox. Oui, mais c'était pas très c'était réussi. C'était pas bien bon. C'était weird. On décrochait. Ouais. Là, c'était pas spécial. Ramenez-moi un Battletoads comme celui au NES, mais qui est passable. Exact. Puis Konami, là, ils ont bien des franges, je pense, qui magasinaient les studios pour Sunset Riders. Ah, pour vrai. Et puis ça aurait été cool. Mais ça prend des. Faut que les jeux du genre soient refaits aussi, là. Donnez-moi Sylvalion, là, le dragon en métal, qu'on parlera dans un autre show. Qu'on va parler dans un autre show, le Hidden Gem là, que Jeff a trouvé. Monster in My Pocket. Pourrait être intéressant, en effet, Jim dans le chat. Ouais, les pierres à feu. Ah ben oui. Un nouveau jeu de pierres à feu, man. Un beau petit platformer propre, là, plus fluide que les vieux mais jeux. Mais ça, c'est une franchise morte, les pierres à feu en ce moment. Là. Ah, il n'y a rien dans les pierres à feu. À part les vitamines. Là. Les vitamines continuent, en effet, mais il n'y a rien qui se passe avec les pierres à feu. Mais il y aurait définitivement de quoi à faire avec ça, un joli beau petit platformer. Tu sais, tu peux alterner les niveaux avec du char un peu. Puis, avec les pieds sales. Tu travailles à carrière, là, monsieur. Carrière Miroc. Miroc te donne de la marde. Non, mais tu crois ça que les Jetsons, ramenez-moi les Jetsons aussi de bord. Exact. Anna Barbara. Wacky Races. Anna Barbara. Anna Barbara de Game. Universe, ouais, de Game. Ah, ouais, ça serait bon ça. Puis là, tu crois. Ah, ouais, ça serait pas pire. Parce qu'il y a toujours, genre, mais il y a la rumeur, là, toujours, que les pierres à feu et les Jetsons, c'est dans le même univers, puis c'est juste que les riches sont dans l'espace, puis les pauvres sont dans la carrière de pierre. Ouais, tu penses. C'est une vraie rumeur, là, ça, genre, depuis très longtemps. Fait que je sais pas si c'est vrai, mais ça ferait du sens, le pire. Crossover de ça. Voilà, mais... allez-y. Ça serait tout bon, ça. Ouais. Steve Desrochers, question pour Dom. As-tu commencé Ender Magnolia? J'ai très hâte de savoir ce que tu en as pensé, merci. Ben, je l'ai fini, mon cher ami, et même que je l'ai critiqué ici même, chez Papa Cassette. Alors, fais une recherche sur les internets, tu vas trouver ça très facilement. Et j'ai adoré, autant que Ender Lilies, c'est pratiquement le même jeu, peut-être même un petit peu meilleur. Donc, j'ai adoré ça. Jean-François Betty. Ah ouais, donc, ton power ranking de toutes les home consoles serait malade avec une tier list. C'est de la job, ça, là. C'est trop long. On va skipper. Sur un épisode spécial de console, on le fera. Exactement. Patrick Paquin. Je sais pas si ça a été répondu dans un épisode précédent, mais c'était-tu votre premier launch de console à Retro MTL? Comment as-tu vécu ça, le positif, le négatif? On a répondu à tout ça déjà. Mais c'était le deuxième launch parce qu'on a vécu la PS5. Mais en pleine COVID, il n'y en avait pas. Oui. On pouvait pas en avoir. Il y avait un shortage, un vrai de chip, de console, de fabrication. Fait qu'au final, nous, on n'a rien vécu de ça parce qu'on était fermés. Et puis, on était réouverts, mais c'était compliqué. Il y avait les masques, les vitres, tout. C'est un petit cauchemar quand je repense à ça. On pouvait pas en avoir. On n'a pas eu. On a eu deux, trois. Puis on avait des appels à tous les jours pour savoir si on en avait. Fait que voilà. Donc, beau lancement de la Switch 2. Très simple au final. Mais dans, pas, dans les, dans l'épisode précédent aussi, je raconte un petit peu la marde que ça a été pour les avoir à cause de Pyro. Oui, c'est vrai. Donc, bref, écoute les deux derniers épisodes, Patrick, et puis tu vas tout savoir ça. Dominique Ostigui. Suggestion. Là, ça va sûrement être le vulgaire. Vous devriez refaire un épisode spécial Retrouvailles Top 2025 Rétro Nouveau pour la fin de l'année. On nous en parle beaucoup de ça. On est l'été en ce moment. On est encore loin de ça, la fin d'année. Exact. Peut-être. Peut-être un jour, on verra à ça. JC Goyette. Yes. Salut les gars. Gars. Vos anecdotes du WEG m'ont inspiré cette question. Y a-t-il un jeu rétro ou nouveau à un seul joueur dont vous aimeriez ou auriez aimé jouer avec un mode multijoueur, soit en famille ou en gang d'amis? Lâchez pas, messieurs, et continuez notre bon travail. Donc, un bonne jeu question. Que tu as eu du plaisir tout seul, puis tu te dis, en multijoueur, ça l'aurait ouais, fait. Ouais, ouais. Bonne question. J'aurais dû y penser avant, celle-là. Je joue pas beaucoup de jeux tout seul au WEG quand je vole. Ben, c'était pas qu'il parle du WEG. Ben, mais il parle pas du WEG, mais mettons, tu dis un jeu single que Chris, ça devrait être à deux. Tu sais, j'ai vécu l'inverse des jeux qui étaient à deux puis qui se sont ramassés tout seul, comme Double Dragon au NES ou Final Fight 1 au Super NES, tu sais. Brisé. Tu parles des Castlevania tantôt. Castlevania à deux, ça pourrait être pas pire. Ils l'ont fait en autre chose, on a eu du plaisir. Je sais pas. C'est bon, on a pas d'idée. On va essayer. Suffit de nous casser. Vous on va essayer. Désolé, on répond pas aux questions. Mais on essaye. C'est difficile. M2 Gaming, où est-ce que j'étais présent dans un podcast précédent. Allez, écoutez ça. J'étais avec Michael du coin Game Over et puis Stéphanie de La Planque. Donc, trois propriétaires de boutiques de jeux vidéo qu'on a été invités à un épisode du M2 Gaming podcast. C'était le blabla royal. Donc, allez voir ça. Pour Dominique, penses-tu faire le Castlevania-like Chronicles of the Wolf? Marc est en train de le tester. Immédiatement, j'ai pensé à toi. Oui, et même qu'il me semble que j'ai appris aujourd'hui que la date a été devancée et qu'on les aurait ce vendredi. Oh. Donc, c'était disponible en précommande chez RetroMTL. Et puis, of course, que je vais me pogner ça. Même que là, ça me fait réfléchir. Je vais peut-être pas déballer Gal Guardian tout de suite. Puis, je vais peut-être faire Mark of the Wolf avant. En effet, ça a l'air d'être un Castlevania-like, là, vraiment très, très, très Castlevania. Donc, ça sort vendredi, mesdames et messieurs. Checkez ça. Et puis, on va en avoir ici. Je ne sais pas de combien de copies, mais ça semble très prometteur. Dans le chat de River 16, premier commentaire ce soir. Avez-vous vu les jeux des créateurs de Shovel Knight, Mina de Hollower, qui sort en octobre? Rétro-style Game Boy est très intéressant. Non, j'en ai aucune fucking idée. Non, j'ai pas misé sur les Oilers. C'est pas comme ça que j'ai perdu ma bankroll. Jeff, voudrais-tu mettre du gameplay de ça pendant que je fais la prochaine question? Mina de Hollower. Ça pique vraiment ma curiosité. Merci, Mr. River 16, pour la question. Pendant ce temps-là, on continue avec les questions. Rémi Chabot, quel joueur Kent Hughes devrait aller chercher pour le Canadien? Présentement... Ben, vas-y, Jeff, on dirait c'est, que t'as... Non, c'est, je m'en dis, c'est tough, ça, là. Ça prend un joueur qui va jouer avec Demidov, là. Présentement, ça prend un centre pour Demidov. C'est ça qu'on a de besoin. Crosby, ça serait insane. Ouais, ça arrivera pas, par exemple. Mais ça arrivera pas. Je suis sûr que ça arrivera pas, là. Mais ça serait le best. C'est tout ce qu'on a de besoin pour l'instant. Présentement, on n'est pas Mitch à... Mitch Marner, non, il est pas un centre. Non. Ouais, mais non, il va coûter ben trop cher, man. On n'a pas besoin de ça. Non. Présentement, le Canadien, on le rappelle, est encore en reconstruction. Oui. Et puis, si on a fait les séries cette année... C'est un petit bonus. C'est un bonus, puis il faut pas s'attendre à ce qu'on les fasse la saison prochaine. Non, une autre année encore. Non, au moins, une autre année, d'après moi. Là. Après ça, on va être dans les contenders. Exact. 2026-2027, d'après moi. 2027-2028, on gagne la Coupe. Mais quand on va être une vraie équipe solide, là, il restera pas grand-chose de l'équipe qu'on a présentement. Of course, il va rester Suzuki, Slavkovski, Caulfield, Demidov. Fowler va être dans les goals, sûrement. À la défense, Lane Hudson. Puis, mais pour tout le reste, ça peut bouger énormément. Goulet, ça serait bien qu'il reste. J'adore Carrier. Jackay. Jackay va partir. Armia va prendre sa retraite, maintenant. Oui, et puis, fuck le dude qui a été blessé là, toute l'année. Là. Rainbaker? Non, Rainbaker va venir. Puis ça, c'est très important que Rainbaker soit blessé toute l'année. Le centre, justement. Le gros centre. Jean Blanc. Ben, il y a des Blackhawks là, qui est blessé. Dak. Kirby Dack était la clé. Je pense même plus comme un joueur du CH. Exact. Kirby Dack était la clé. Mais lui, il s'en va, Kirby Dack. Il est pété, man. C'est lui qui s'est. Il fait en peau de pénis, Kirby Dack. Exact. Là. Mais c'était lui, man. C'était lui, le gamble. Combien Yu va signer Hudson? Ça va être genre 8 ans, 12 millions par année. Quelque chose de genre, là, quelque chose de qui n'aura pas de bon sens. Ça va être il vient de gagner le Calder. Là. Il va, ouais, c'est ça. Il attendait ça pour signer. C'est une super star, puis il faut le garder. Là. C'est des joueurs de concession, ça. Là. Exact, exact. Il faut le garder. Faut le garder. Mais ce qu'il y a de le fun, c'est que tous nos autres joueurs de concession sont signés. Mais là, ce qu'il y a d'intéressant... Puis faut ce il parle de l'échelle salariale et du salaire de Suzuki. Puis c'était un peu le problème qu'il y avait aussi, c'était qu'il ne voulait pas mettre personne plus payé que Suzuki, mais ça ne marche plus. Là. Mm-hmm. Non, ça ne marchera plus, en effet. Puis ces gars-là sont signés pour un bon bout de temps. Fait que ça, c'est réglé. Puis ça a une belle valeur. Mais là, moi, je trouve... Puis j'ai écouté le dernier épisode de Processus, puis je suis d'accord avec ça. Snake. C'est le Snake Boisvert. Tu peux sacrifier du monde, là. Tu pourrais sacrifier un Caulfield présentement pour aller chercher un peu plus de poids. Faut que tu sois très prudent parce que tu touches au core si tu fais Caulfield ou ce genre de joueur-là. En effet, mais... Ou ça dépend ce que tu vas avoir en retour. Ça dépend ce que tu vas avoir en retour. Il y a peut-être quelque chose de plus utile, un plus gros centre justement, qui ferait une meilleure pièce dans le casse-tête. T'sais. Puis quand, dans 2 ans, quand on va être rendu à aspirer à la coupe ou à se rendre loin ou bien à faire la dans le top des conférences... Mm. Là, on va aller chercher du monde. Mais moi, je suis. Puis Lainé, en passant, il est out. Oh, ouais. Il va sûrement être là la saison. Moi, je suis déçu. Lainé, on l'a utilisé, man, pour scorer cette année en powerplay. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis c'est ce qu'on a fait les séries. Mais ça, c'était la job à Caulfield de faire ça. Puis même s'il y avait eu 50% moins de buts que Lainé en powerplay, dans le même bureau, oh, ouais, sur la glace. Le but, c'est de développer Caulfield. Ouais, c'est pas de faire scorer Lainé en powerplay qui est pas capable de rien faire. Qui était le problème en powerplay, c'est qu'il passe à la puck à lui pour qu'il score. Arrêtez de faire ça, c'est prévisible. Exact, c'était prévisible, ça marchait. Puis là, mais c'est pas le futur, ça sert à rien de faire ça. Faire ça, ça nous amène en série. Puis l'objectif, c'est pas d'être en série. Mais là, cette année, c'est Saint-Louis a testé Lainé, voir je peux-tu le ramener comme un bon joueur qui est supposé d'être. Puis ce gars-là, c'est pas un joueur de hockey. C'est un gars qui a un talent offensif de hockey. C'est pas un joueur de hockey. C'est pas un joueur de hockey, non. Il est là, c'est un gars qui est là pour faire sa job, puis that's it, là. Il l'intéresse pas. Ça, il est pas. Sa tête est pas. C'est pas un passionné de hockey. Exactement. Sa tête est pas là. Il est tout le temps sur la glace. Exact. Même quand c'est genre optionnel, il y a 3 joueurs, il est là, Lennotsun. Absolument. Absolument. Lainé, ça vaut pas de la merde. Là, j'ai ton affaire que tu voulais qu'on mette, oui. Mina de Hollower, là. Donc, voyons ça, le nouveau jeu de Yacht Games. Les gens de Whole Line. Ah oui! J'ai vu ça, cette annonce-là. Ah, c'est bien ça. Ouais, ben oui. C'est un genre de petit dungeon crawler 8-bit machin. Là. Ça, c'est les gens. C'est Yacht Games, les gens de. Voyons, de Shovel Knight. Bah, ok, te le mettre bien gros. Shovel Knight! Fait que, ben oui, je vais jouer à ça certainement. Je suis surpris du style. Je pensais qu'elle allait continuer de faire dans le même genre. Mais oh, wow. Tant mieux qu'elle essaye autre chose. Oh, ouais, j'ai vu ça. Ça tournait. C'était beau. Cool stuff. Mais moi, ça m'intéresse. Hey, tu savais-tu qu'ils ont sorti un nouveau Shantae sur DS? Pas DS. Game Boy Advance, ouais. Ouais, ça s'en vient. Il est sorti, bonnet, là. Il y a le ROM. Il dit qu'il pouvait me l'envoyer. Fait que je pourrais critiquer un nouveau Shantae si tu veux. Ah, ben, ou si te l'envoyer et le mettre dans ta pocket. Ben, en fait, moi, je vais attendre la copie physique. Ah, OK. Fait que je te le laisse. Ben, en fait, c'est puis je vais le faire. Mais c'est ta série, fait que je peux te le laisser, là. Ouais, non, là, toi j'ai aussi. J'ai d'autres choses à faire, là. Ben, écoute, on verra, là. Mais ouais, je vais juste te le dire qu'il y avait ça. Je savais pas si t'étais au courant. Je me suis dit, mec, oui, là, mais... J'étais au courant, en effet, parce que Limited Run l'a annoncé depuis très longtemps, puis on a pas de nouvelles. Là. Bon, fait que maintenant, on y va avec Nick Lachapelle. Ah non, on l'avait dans le bol. Top 3 jeux homebrew dans la télévision. Il nous troll tellement. Il y a-tu des homebrew sur la télévision? Il y en a des tonnes. Pour vrai, il y en a vraiment beaucoup. Mais je les connais pas. Mais chez nous, j'ai Intellivania, qui est un remake de Castlevania 1, qui est super bien fait. J'ai ça en copie physique. Je suis bien content d'avoir acheté ça pendant que c'est encore disponible. Donc voilà. Mais désolé, Nick, je connais pas les homebrew en télévision. Mais il y en a beaucoup. Donc, j'y ai répondu, anyway, direct sur le chat. Ouais, avec une image. Un bonhomme qui fait. C'est ça. Mais il y en a beaucoup, sachez-le. David Lescourt. J'ai adoré votre passage à M2 Gaming en compagnie de Stéphanie et de Mike. Pensez-vous faire une collaboration ou un projet quelconque à Interboutique dans le futur? À cela, il y a 2 réponses. Ah ben, c'est M2 Gaming qui dit merci. Et là. Ben, on n'a pas parlé. On sait pas. Je pense qu'on est tous très occupés présentement avec nos propres commerces. Ouais, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je sais pas. Un projet. Une super boutique. Une collaboration. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait. Ben, peut-être un autre podcast, I guess. Je sais podcast pas quoi. Podcast juste à la vente de jeux. Hein? Allez, tu rentres très niché aussi, là. C'est... Non, c'est ça, c'est ça. Ben écoute, je promets que la prochaine fois que je vais à Québec, je vais aller à la planque, j'y vais toujours. Et puis aussi maintenant, la planque. C'est où ça, la planque à Québec? C'est dans Saint-Roch. Je peux pas te dire le nom des rues. Faut que j'y aille cet été à Québec. Peut-être qu'il arrêtait là. Et ben c'est facile, c'est dans Saint-Roch, là, autour du party. Et puis aussi maintenant, les gens de l'arcade Vox sont copropriétaires de la planque. Alors tout ça est ensemble. Fait qu'on va aller boire de la très bière. Nice. Puis acheter des jeux pour encourager tout ce beau monde-là. Mais collaboration, qui sait? Comme, why not? T'sais, moi, je suis super occupé présentement, mais pourquoi pas? On verra. Si les autres veulent, moi, je suis all open. Ouais. On a un messenger chat avec tous les gens dedans. Là, qui un autre group chat. Un autre group chat. Jean-François Joly, les key cards pour la Switch 2, vous en pensez quoi? On a parlé. On en a parlé. C'est fait, check. Marc-André Chabot. Chabot. Chabot. Marc-André Chabot, puis l'autre, c'est Chabot. Exact. Est-ce possible de faire une comparaison du jeu Game Boy Tetris et Tetris pour Game Boy Color? Ciboire. Attends, il y a un Tetris Plus. OK. Qui existe aussi au Game Boy, que j'ai jamais joué. Et il y a aussi sa version Game Boy Color. Mais là, attends, là. Est-ce possible de faire une comparaison de jeux Game Boy Tetris et Tetris pour Game Boy Color? Avec Game Boy Tetris puis Game Boy Color Tetris? Écoute, c'est Tetris puis Tetris Game Boy Color. Tetris de pas pouvoir répondre là. Tetris de pas trouver ton cable link avec ton frère dans le char. Mais ben écoute, première chose, Tetris au Game Boy est excellent. Oui, c'est un excellent port. Un des meilleurs, pas là. Oui, et puis si on parle, là, si par Tetris Game Boy Color, tu parles de Tetris Plus. Moi, j'ai jamais essayé. Ça m'intéresse pas, moi, les autres Tetris. Je m'en fous. Moi, je joue à Tetris sur NES, le normal. Ouais, même le Tengen, j'aime moins. Tetris d'arcade, qui est le Tengen, je pense. Ouais, c'est le Tengen qui est d'arcade. Qui est correct, mais c'est en arcade, là. Exact. Je trouve que Nintendo a fait une bonne job avec leur Tetris sur NES et sur Game Boy aussi, absolument. Ouais, ouais. Et c'est les deux seuls Tetris, moi, que je joue, pour être franc. Par contre. Celui en VR est excellent, Tetris. Fuck, je lui blasse le nom, là, mais. Je sais pas. Mais d'ailleurs, nos gens chez Digital Eclipse ont fait aussi une compilation Tetris qui est très, très bonne. J'ai oublié le nom. T'es juste effet, excuse-moi. Oui, celui-là. Puis tape donc aussi Tetris Digital Eclipse pour trouver le nom de leur compilation de Tetris à eux. Tetris Forever. Tetris Forever, en effet, qui marie ensemble des Tetris de toutes les générations. Dont le premier, là, vieux, l'original, là, ouais. Fait sur les vieux ordi russes, là. Donc, Russe. Fait que cela est disponible, mesdames et messieurs. D'ailleurs, Michael m'a donné un son. Wow, il y avait du son. Je veux mettre la petite vidéo ici de Digital Eclipse. Ouais. Tetris, pour toujours. Tiens, regarde, ça, c'est le premier Tetris. Ça, c'est le deuxième, troisième. Là. Ah, il y a même Hatchris. Ah, ils font du beau travail, Digital Eclipse. Tetris 3, Super Bomb Bliss. Ah, OK, c'est un autre jeu slash documentaire. Exactement. Là. À la Digital c'est Eclipse. C'est un très bon format, je pense, pour ça. Oui, avec un timeline des dates et de tout ce qui se fait. Ils font toujours ça, Digital Eclipse, puis ils font vraiment bien. J'attends juste qu'on voit Michael dans une pub de même, de lui qui parle de genre lui qui recode de quoi là. Ça serait le fun. Quand on était au WEG, les gars ils ont mis le truc de karatéka comme ouais, ça. Ouais, ouais. Puis on a eu vraiment du fun. Là. En c'était... plus, on avait parlé de Jeff Minter aussi l'autre fois. Exactement. Donc c'est du cool shit. Du stock à WEG. Charles Trudeau. Si les compagnies décident d'arrêter les jeux physiques à partir de la Switch 3 PS6, quel va être l'avenir des magasins de jeux vidéo 15-20 ans après l'arrêt des jeux physiques, vu qu'il n'y aura plus de jeux usagés récents? Avant de répondre à ça, on va juste saluer la première fois dans le chat Naleb qui dit Tetris Grandmaster 4 est sorti récemment sur Steam aussi. Ah, wow. Donc voilà, on apprend des choses. Merci d'être présent et merci de nous tenir, de nous donner ces informations. Ouais. Donc, tu sais, moi, dans 15-20 ans, je vais être proche d'être mort. 60, mais non. Ah non, je ne sais pas. Ben, j'ai 45. J'ai 60, 45. 65. Ouais. Moi, je vais être mort, mais. Toi, je... mort, c'est sûr. Ouais, mais... enterré dans la piscine. Là, avec les marmottes qui me mangent. Nayé dans la piscine. Nayé. À un épisode de Rétro Nouveau, je sais pas où est-ce qu'on en est venu là, mais Bruno, il avait dit, en parlant d'un chien là, qu'il fallait comme tuer ou je sais pas quoi, j'avais dit, bon ben papa va aller nayer le chien dans le lac. Là, j'imagine juste un père avec le chien au-dessus du bras qui descend dans le lac. Ça vient de... C'est une référence qui a pogné, je pense, à Hollywood Babylon, le podcast. Il y a un film de Hulk Hogan qui est genre, il est en moto... Puis dans le background, il passe en moto, puis t'as un gars qui naît son chien dans la rivière. Genre, c'est comme. Chris. C'est Chris. Ça vient de là, sa référence. Là, c'est mais... creux en tabarnak. Ah ouais. Là. Moi, puis Bruno, on écoutait les mêmes podcasts à l'époque. Je sais pas, c'est cute. Là. Oh, ben, papa va aller nailler le chien dans le lac. Wow. C'est malade. Après ça, tu le mets dans les poubelles. Avec la marmotte. Là. Bon. Alors, l'avenir, mesdames et messieurs. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, ce que les magazines pop culture, rendu là, c'est... Ben, non, moi, je suis pas inquiet que les jeux vidéo, même s'ils en font plus depuis 10 ans, 15 ans, il va y avoir une demande. Quelle sera la demande, là, je sais pas. Il y a du monde qui va inventer des nouvelles machines pour jouer toutes ces physiques-là, puis tout ça. Puis il va encore avoir du monde qui vont aimer avoir les objets. Tu sais, moi, présentement, puis je le dis toujours, parce que cette question-là, tout le monde la pose tout le temps. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui arrive, tu sais, au futur? Mais on en vend, hein? On a rentré des Atari 800 en stock aujourd'hui, puis on va la vendre, là, c'est mal. Ah ouais. On vend des affaires de 1980-81, encore ouais. Facilement. Fait qu'il y a de la demande pour tous ces objets-là, et tous ces objets-là vont exister, vont continuer d'être joués, et puis tout va être sur les disques, tout va être sur les cassettes, et puis ben, bien sûr, pas les générations les plus récentes. Donc, moi, je vois pas... d'ici 20 ans, comment cela va s'éteindre. Puis tout le monde fait rien que prédire la fin de l'engouement des jeux, des vieux jeux. Et ça fait 20 ans que le monde dit ça. Ben, ils ressortent. Maintenant, Nintendo, ils te ressortent à chaque 10 ans. Ouais. Tout le monde les rachète encore une fois. Fait qu'ils... Mais les rachètent en ligne. Comme là, mettons Nintendo la Switch 2, il y a plein de jeux GameCube qui vont arriver en ligne. Sur le online que tu peux jouer. Donc là, tu te dis, j'ai pas besoin d'acheter Wind Waker au magasin, et je peux jouer sur ma Switch 2. Bien sûr, et l'expérience sera absolument agréable et parfaite. Mais l'engouement pour l'objet qui est Wind Waker, ça va exister pareil. T'sais. Fait que ça arrête pas. Là. Naleb qui dit dans le chat, je dirais que la collaboration des développeurs indie, la merch des jeux va continuer à être populaire. Ah oui, mais les jeux indie, ça va continuer, puis eux autres vont vouloir être physiques pareil. Puis j'ai hâte de voir il y a plus, mettons la PS6 puis la Switch 3, là, tu sais. À un moment donné, les Switch vont arrêter d'en avoir. Est-ce que même un coup qu'il n'y a plus de console qui se fait faire, les gens vont continuer de fabriquer des jeux physiques pour mettre dans une Switch 3? Peut-être. Ça se pourrait, là. Comme les Limited Run vont continuer de faire. Mais ça se fait encore là. Fait que exactement. Fait que peut-être que les compagnies de jeux vidéo en font plus, mais les indies vont continuer de faire des médiums physiques pour mettre dans ces machines-là. Ou des compagnies qui vont racheter des licences, qui vont reporter des trucs. Genre, ça se peut, ça aussi. Là. Exact. On le voit là. Il y a des gens qui font des jeux NES présentement. Oui. Des homebrew NES que tu mets dans. T'sais, peut-être qu'il y en aura plus. Donc, non, moi, je vois pas la fin de tout ça. Par contre, il faut rester éveillé et puis continuer de développer nos business, de penser à d'autres branches à annexer à ce core de qui est un magasin de vente de jeux vidéo usagés. Et puis, c'est en changement. Je pense pas que c'est en déclin. Là. C'est juste en changement. Là. Exact. Mais juste ça, c'est risqué. Fait qu'il faut avoir des idées, puis on en a plein. Donc, c'est bien stimulant tout ça. Nicolas Desrosiers, avez-vous regardé le documentaire de Luc le millionnaire, comme on a mentionné tantôt, à propos de Luc, l'homme d'affaires Luc Poirier? J'ai c'est quelqu'un qui polarise et j'aimerais votre opinion à son sujet. Il rajoute « Personnellement, je trouve intéressant qu'il semble transparent avec son argent, ce qui est rare au Québec puisque c'est mal vu. De plus, il a commencé avec des cartes de hockey, semblable à la vente de cassettes. » Fait que je l'ai pas vu, mais je veux vraiment le voir. Puis oui, ce documentaire est très polarisant parce que ce gars-là, il a des tonnes d'argent. Et puis, tu sais, il y a un garage avec 54 Ferrari. Là. Ouais, je sais pas, je suis pas au courant de ce qui se passe avec lui. Je sais c'est qui, mais je sais pas pourquoi il a de l'argent. Il avait un terrain, puis il l'a vendu au gouvernement pour qu'il fasse Nordvolt dessus. Ah, pas vrai? Puis bon, okay. C'est ce gars-là. Bref, le gars, c'est un homme d'affaires. Ouais, ouais. Puis c'est un richissime et brillant homme d'affaires qui réussit très bien en affaires. Fait que puis Pierre-Yves McSween a fait ce documentaire-là. Avec okay, lui. C'est lui, okay. Ce qu'il y a de drôle, c'est que Pierre-Yves McSween, c'est genre, en as-tu vraiment besoin? Dépense pas, fais attention. Puis ce gars-là, il est juste comme all out, tu sais. Oh, ben, quand t'as moyen d'être all out de même aussi. C'est ben, c'est ça qui arrive, tu sais. Ce gars-là, il paye ses impôts comme tout le monde. Il a les moyens. Puis oui, il monte ses affaires. Il monte son argent. Puis il a bien le droit de faire ça. Le gars, il est né dans un HLM, là. Il est parti. C'est du self-made, le monde. Il est self-made c'est en fou, hostie, là. Il est parti de rien, là. Puis là c'est juste admirable, ça, là. Exactement, c'est admirable, tu sais. Puis il peut bien flasher son. Si ça, il fait du bien. S'il flash, c'est parce qu'il en a manqué quand il était jeune. Puis le monde qui chiale, c'est au Québec, c'est les gens. Le monde de la mentalité judéo-chrétienne que faut pas que tu fasses plus d'argent que les autres. Puis on est donc né pour un petit pain. Puis. Ah, ouais. C'est cave, là, à un moment donné, là. C'est. Je suis bien d'accord avec ça. Puis, j'aime pas non plus la mentalité des gens qui disent que si tu fais de l'argent, c'est parce que tu crosses du monde. Non, tu peux pas faire de l'argent sans crosser les gens. Ça, c'est là, pas vrai, là. Ça, c'est une mentalité de pauvre, là. Puis de c'est pas de comprendre les business. Coloniser. Là. C'est pas ça du tout, là. Ça là. Me fait. Ah, non, non, man. Ça, c'est le. Ça, c'est se dédouaner facilement de genre. C'est pas des moi, j'ai pas d'argent. Mais au moins, je crosse personne. C'est pas des raccourcis mentaux aussi de genre de se valider, de comme, ben, je suis pauvre, au moins, moi, c'est ça, comme tu dis. Ben, c'est ça. Je suis pas un crosseur comme lui. Bon, je suis pauvre parce que moi, je décide d'être pauvre parce que je crosse pas le monde, esti. Non, non, non, man, t'es pauvre parce que tu te forces pas. T'es un câble. Non, non, mais. Non, mais. Je... Si. Commence à travailler. Puis là, ouais, mais là, faut pas travailler dans la vie, c'est de crosser le monde. Non, man, faut que tu travailles, esti. Faut que tu travailles. Puis à un moment donné, ça balance dans l'autre sens. Il y a des jokes d'escorte dans le chat en ce moment. Ah ouais. Oh, dans l'écran, on va l'enlever. Hein? Non, non, je te comprends, on est dans l'écran avec des jokes de genre. Il dit, il y a du monde qui crosse pour du cash pour les escortes. Voilà. Go like, il est là pour nous mettre à l'ordre. Fait que c'est ça, tu sais. Oui, c'est que tu travailles un moment donné pour plus travailler plus tard, là. Ben mais oui. Il n'y a rien de magique, là. Faut que tu travailles, sti, tu sais, pour bâtir de quoi, pour quelque chose. Puis, tu sais, si tu fais le choix d'être un fonctionnaire, de travailler pour la fonction publique, de travailler pour la ville. Mais tu as une sécurité qui vient avec ça que tu n'as pas comme entrepreneur, mais quand tu es rendu avec des millions, whatever, là, mais. Mais tu iras jamais au-delà. Non, parce que tu vas plafonner. C'est un cadre. C'est un cadre syndiqué à palier, égal pour tout le monde. Et puis, tu arrêtes quand tu as la tête dans le plafond. Ouais, exact. Tu peux pas être plus riche que ça. Tu es là. Mais tu es sécurisé. Tu as un fonds de pension aussi. Si tu es fonctionnaire, tu vas suivre le principe de Peters. Tu t'entends monter vers ton niveau d'incompétence. Là. Exactement, exactement. C'est ça que tu arrives à un moment donné. Là. C'est, fait c'est totalement. Ça. Quand tu arrives à ton top, tu es à ton top, puis that's it. Puis si tu vas plus haut, ben là, tu vas commencer à échouer parce que c'est pas c'est ton top que tu peux aller. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu veux de l'argent dans la vie, il faut que tu en fasses. Il faut que tu trouves une façon d'en faire, puis c'est tout. Puis, of course, tu peux devenir un criminel puis crosser du monde. Ouais. Mais tu peux aussi comme avoir des bonnes idées puis trouver les bons des stratégies. Puis, tu sais, comme c'est ça. Après ça, tu as genre les Jeff Bezos de ce monde-là. Puis, tu es comme ce monde-là, on partit d'être dans un garage à vendre du stock. Il faut que tu aies dissocié de leur compagnie, maintenant aussi. Genre, les conditions des employés des entrepôts d'Amazon. C'est-tu Jeff Bezos direct? Probablement pas. C'est plus grand que nature, c'est ça. Là. C'est ça, là. C'est un moment donné, c'est ça. C'est même. As-tu vu une vidéo de lui qui marche dans un backstore? Puis t'as genre son cash par seconde qui monte, comment il fait, là? Non. Il fait genre 1000$ par seconde, ce gars-là. C'est, ça n'a aucun esti de bon sens. C'est genre. C'est même plus calculable, ça, là. Mais non, c'est ça, là. C'est la vie, man. C'est un système capitaliste et puis c'est supposé fonctionner. C'est le meilleur système qu'on a qu'on a trouvé. On n'est pas dans une société de socialistes où tout est égal, malheureusement. C'est non, parce que ça marche pas, ça. Ça fait des gouvernements en haut qui appauvrissent le monde, puis c'est le gouvernement qui s'enrichit. Puis le monde, il chiale présentement que c'est le gouvernement qui s'enrichit sur le dos du monde. Mais le gouvernement, il sait pas qu'il s'enrichit, c'est qu'il vire de sourd puis qu'il est pris. On est dans une dette, là. Personne s'enrichit au Québec en ce moment, là. Non. À part Luc Poirier, peut-être, là. Ben oui, c'est ça. C'est là, ça. Est-ce que ces gens-là qui font des trillions de dollars devraient en donner un peu plus? Parce que oui. Est-ce qu'ils devraient, oui? Est-ce qu'ils sont obligés? Non, c'est absolument leur choix pas. En bout de ligne. Absolument pas. En effet. C'est lui qui se couche le soir avec sa conscience, genre j'ai des milliards à donner que je pourrais puis je le fais pas ou whatever. Là. Mais il donne peut-être, là. Il donne peut-être un méchant moton. Mais c'est tellement un clash de disproportion de donne 100 000 puis tu peux régler genre 4 villages en Afrique qui n'ont pas d'eau. Là. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Là. On peut régler la faim dans le monde avec 4 personnes sur la Terre qui ont tellement d'argent qu'ils pourraient tout régler ça. Là. Ouais. Mais on le fait pas. Là. Non, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas besoin. Tu sais, j'aurais pas besoin. Tu sais, à un moment donné, ça a pas de bon sens, l'argent. J'ai pas ce besoin-là, moi non plus, de devenir riche, d'en avoir. À un moment donné, c'est comme. Je veux juste pas me soucier d'avoir. Savoir si je vais payer mes bills la semaine prochaine. Exactement. Après ça, c'est couvert. C'est de l'extra. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai pas les moyens de faire des gros voyages, t'sais. Puis j'aimerais ça faire des beaux voyages, puis ça c'est ce qui me manque dans la vie. Mais bon, mon choix est d'envoyer mes enfants aussi à l'école privée, au secondaire. Non, ton choix c'est des cassettes à 16 000 $. Ben c'est un peu ça aussi, mais... c'est pareil. Genre. Mais je me dis que ces cassettes-là, à un moment donné, justement, on va avoir des idées qui vont mener à quelque chose, qui vont... j'y crois à ça. La seule affaire qui ferait que si t'avais plus d'argent, c'est que tu ferais les deux. Les deux. Tu voyagerais et t'aurais des cassettes. Là. Ouais, très cher en route, là. Ou non, t'aurais des cachettes encore plus chères, peut-être, je sais pas. Ah, mais j'ai assez de cassettes, là, pour vrai. Là. Moi, je suis correct avec ça, là, tu sais. Mais bref, j'aurais pas besoin... Tu sais, à un moment donné, t'as ben trop d'argent, ça, tu vois même plus clair. Ça n'a plus... Tu es même plus capable de le compter, ça n'a plus de sens. Ça, c'est weird. C'est weird, j'aimerais ça voir... Ben, bon, ça fait plus ça, de bon sens, à un moment donné, la masse d'argent. Comment tu fais pour vivre quand, genre, l'argent a plus de sens, genre, c'est... Exactement. Tu sais, je le veux, je le prends, là-dessus, c'est tout. Là. C'est ça, fait que t'aimes plus, tu veux plus rien. Tu sais, tu vires en... Ben, ou ton stress puis tes besoins vont ailleurs, là, complètement. Mais t'en as plus de besoins. Mais t'as des désirs pareils, là. Tu peux pas tout posséder, puis... Non, fait que tu désires, tu fais des expériences, ben, tu vas à des places. Ben, ce monde-là, leur désir, c'est d'avoir d'autres entreprises, puis de fonder d'autres choses, puis d'avancer. Exact. Mais, tu sais, c'est ça. Puis, pour revenir au podcast d'entrepreneurs que j'écoute, il y en a qui réussissent très bien. Il y en a qui ont vendu leur business, justement. Puis, tu vends ta business à 45 ans... Mettons, demain matin, je vends là, pour 4 millions. Demain, je vends la business site, puis on se ramasse tout site avec 3 millions dans nos poches. Tu sais, of course, là, je vais payer ma maison, je vais faire mes affaires, mais je fais quoi après? Mais c'est ça l'affaire aussi. L'argent, c'est un outil, tu sais, parce que moi, règle tous mes problèmes d'argent, fine, puis je fais quoi après? Je suis malheureux, là. Moi, j'ai du plaisir à développer ma business. C'est ça, là, qui m'allume. Tu feras pas comme, ben voilà, ma vie est maintenant, pour le reste de mes jours, c'est je vais faire mon jardin et puis aller faire des tours de vélo. Ben, je serais pas capable. C'est ça, je vais faire ça quand je serai plus capable. T'as besoin de faire quelque chose. J'aurais plus de drive. Ça te nourrit de faire ça, là. Exact. Moi, j'ai de la drive là, en affaires. Là, je suis motivé. Tu vas vraiment être comme moi. Le jour où tu vas aller travailler, tu vas crever. Genre. C'est genre, exactement. Ça nous nourrit et ça nous garde en vie un peu. Oui, c'est ça. C'est ça qui mon nous père rend. Est de même aussi. Là, c'est... Exact. Ça nous rend vivants. Puis c'est ça qu'on aime. C'est pas l'argent. Puis l'argent, ça vient avec. J'aime faire des choses. C'est... Exact. Ça vient avec. Et puis l'argent, c'est un moyen. Et puis c'est une récompense. Mais au final, le plaisir, la vraie récompense, c'est de développer puis d'accomplir des affaires. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça, là. C'est vraiment ça, là. Bon, ben, on serait rendu à la conclusion, je pense. On est rendu à la conclusion? Il est où, mon piton? Il est là. Le son plus fort. Ça. Oui, c'est très beau, ça. C'est très, très, très, très beau. Oui, oui. Fait que... C'est un beau spectacle. C'est un beau spectacle, bien, bien garni. Je vais regarder l'horaire, parce que là, on mercredi est le 18... Mercredi en deux semaines, ce serait genre le 2 juillet, ouais. OK, moi, je suis correct. Toi, t'es-tu? OK, fait qu'il y a un autre spectacle. Ce sera après la fête du Canada, mesdames et messieurs. Ouais, après ça, l'autre spectacle d'après, le 16, je ne serai pas là. Fait qu'il y a un prochain spectacle, puis après, moi, je suis en vacances. Puis après... Puis l'autre d'après, c'est quoi l'autre date d'après? Après ça, ça sera le 30 juillet. Là, je suis là. Deux semaines après, je suis en vacances, mais je pense que je suis chez nous. Genre, j'ai pas mon gars, fait que je devrais être là. Fait qu'on sera pas trop impacté quand même. Ça devrait être pas si pire. Ouais. On pourrait donner 27 et 62 à chaque personne dans le monde. C'est fou quand. Sacrement. Ouais. 27 et 62. Wow. C'est un peu débile à penser de même, ouais. Ouais. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, hey, on remercie tout le monde qui sont été présents dans le chat. Ben oui, toujours le fun de voir. Les first time chatters, c'est très apprécié. Très apprécié. C'est apprécieux. Je commence à rouler de la bouche. C'est la bière à 6,2%. Mais l'autre, oui, hein. Mais moi, j'en ai pris une autre à 4. Ah, moi, elle avait 5, celle-là. S5, la jaune, ouais, 7, c'est là. Ça. Bon, c'est parfait. Le gars qui prend son char. Ouais, moi aussi, par contre. Fait que voilà, alors merci à tous, très très très apprécié. Merci aux Patreon qui nous donnent la petite monnaie à tous les mois. Ça fait une différence. Et puis on n'a rien acheté. Non, mais on regarde l'argent monter et on est quand même. J'ai regardé aujourd'hui, Chris, ça monte. À un moment donné, quand l'ordi va péter ou quelque chose. C'est ça qui fait le plus peur, honnêtement. À un moment donné, ça va lâcher. Là. Exact. Fait qu'on aura tout ce qu'il faut pour. Mais là, en ce moment, on a assez d'argent. Si jamais l'ordi lâche, pour en avoir un bon qui va t'offrir un autre 20 ans, là, mettons, 15-20 ans, là. Fait que c'est correct. Là. Bon, ouais, c'est parfait, ça. Fait qu'attendons un peu, mais ça va pour l'instant. On est assis sur une mine d'or. Oh, de la belle argent. On va aller vous doubler sur le casino. Ou tout perdre. Comme on va tout le mettre sur le rouge. Ouais. Sur le noir au casino. Belle en black. Roulette. Fait que suivez Papa Cassette sur Facebook et Instagram et puis TikTok, pas tant. J'en ai fait un petit de rien, mais je m'en fous un peu. Suivez plutôt les TikTok de Retro MTL où est-ce que je suis vraiment plus actif sans l'être tant que ça, mais j'aimerais y remédier, mais je suis trop occupé. Et puis surveillez page le site web de Retro MTL qui est en développement et puis qui, si tout va bien, va être launché en septembre. Oh! Donc ça, c'est très très hot. On travaille très fort là-dessus. C'est notre gros projet là. Fait que très excitant. Sinon, on fait des cassettes sur Facebook. Oui. Le Hub sur Discord, tu nous jasais. Oui, ça faisait super longtemps que je n'étais pas allé. Ouais. Je suis allé hier soir regarder les petits commentaires et tout. Là. Il y a un nouveau channel qui s'appelle Boomer que j'ai créé. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Du stock de Boomer. Le monde partage leur terrain puis leurs plantes. Puis, ah ouais? C'est du stock de Boomer. Parce qu'il y avait en général, ça parlait beaucoup d'affaires de piscine puis de Boomer. Je suis comme, OK, je le fais là. OK. Fait que le logo, je pense que c'est une petite pelle puis une fleur, là, genre Boomer. Là, fait que c'est... OK. Fait que là-dedans, ça parle de piscine puis d'affaires de jardinage. Là, on peut-tu chialer sur les jeunes? Ben oui, c'est à ça que ça sert. Ouais, c'est parfait. La première image de Boomer, c'est genre ma piscine. En haut de tout. Là, fait que c'est ça, là. Excellent. Fait que... Puis donner de l'argent à JF pour qu'il y a double, en effet. Là. Je peux doubler ou je peux la perdre. Ça dépend comment je me sens. Exact. Fait que merci beaucoup tout le monde. Et puis au prochain show. Bye tout le monde. Ciao.